بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous commençons par le tafsir de la sourate Al-Balad. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. Donc le premier verset dit لا أقسم بهذا البلد. Donc pour n'importe qui comprend l'arabe, à première vue, quand on lit « La uqsimu bihadha al-balad », qu'est-ce qu'on comprend ? Je ne jure pas par al-balad ici. Al-balad, il peut avoir beaucoup de sens en arabe. Ça peut être un pays, ça peut être une contrée, ça peut être une ville. Et très souvent, il est dans le fiqh, très souvent, ou dans les textes anciens, il est utilisé dans le sens de ville. Comme quand ils parlent du safar, par exemple, ils disent « Idha kharaja min al-balad », ils veulent dire par là de la ville. Et dans ce verset, al-balad désigne une ville, qui est Makkah. Donc, quand on lit comme ça en apparence, « La uqsimu bihadha al-balad », on comprend que ça veut dire « je ne jure pas ».« La uqsimu », »,« je ne jure pas par cette ville ». Et effectivement, certains savants du tafsir, donc le Cheikh Tayyar, il rapporte que les savants du tafsir, ils sont de trois avis vis-à-vis de « La uqsimu ». Et « La uqsimu », on le retrouve dans d'autres versets du Coran. « Fala uqsimu bil khunnas, al-jawari kunnas ». فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ la sourate al-waqi'a. Et donc certains d'entre eux disent qu'effectivement ça veut dire je ne jure pas. Je ne jure pas par telle chose. Et le sens il est que la chose est tellement évidente qu'elle ne demande pas qu'on jure par elle. C'est un peu le sens du serment également en fait. C'est pour insister sur le propos qui est tenu. Et d'autres disent que après le « là » ici, il y a quelque chose qui est, on dit en arabe, « muqadda », c'est-à-dire qui est sous-entendu. « Là », ensuite il y a quelque chose qui est sous-entendu, et ensuite on passe à une nouvelle phrase, « uqsimu bihadha al-balad ». Donc là, par exemple, dans la surat al-Takwir, on serait « là », dans le sens « là »,« laysa kama yahsimu al-kuffar », ou etc. Et ensuite, « uqsimu bi al-khunnas ». Un peu comme on le trouve souvent avec « kalla » au début du verset. « Kalla », c'est-à-dire, c'est nier tout ce qui précède. Et souvent, ce qui précède, c'est-à-dire les paroles ou les suggestions des kuffars. Et d'autres disent que « la uqsimu », en fait, au contraire, « là », c'est un « tawkid », c'est « tawkid ou qasam ». Ça veut bien dire « je jure ». Et le « là », il sert à insister sur le « qasam ». Et le cheikh, d'ailleurs, il choisit cet avis-là. Pourquoi ? Parce que dans la sourate al-waqi'a, Allah dit « Fala uqsimu bima waqi'a al-nujum » donc on entend bien « la uqsimu » comme dans la sourate al-balad « Fala uqsimu bima waqi'a al-nujum » et ensuite Allah dit « Wa innahu la qasamun law ta'lamuna azim » et c'est un serment qui est immense si vous saviez. Donc Allah dit « la uqsimu bima waqi'a al-nujum » et après il a fait de qasam et de azim. Donc ça montre bien que la uqsimu c'est un qasam qui est affirmatif et non pas la négative mais qui est insisté puisqu'Allah a dit azim. Donc la uqsimu bihadha al-balad, donc Allah a juré par Mecca pour la noblesse et la grandeur de cette ville. Ensuite dans le deuxième verset Allah a dit wa anta hillun bihadha al-balad. Anta c'est-à-dire anta ya Muhammad hillun, et hillun c'est le même sens que halal. Que veut dire ici, et tu es, ô toi Muhammad, halal dans cette ville. Les sahaba et les tabi'in, tous ceux qui ont parlé sur ce verset, sont unanimes sur un sens, qui est que, on sait que Mecca, elle est haram. Donc Mecca, elle fait partie du territoire sacré, on appelle ça le haram. Et c'est un territoire qui était sacré déjà dans la Jahiliya. Personne ne tuait personne dans Mecca, et il n'y avait aucune guerre ni aucun conflit qui se déroulait dans Mecca. Mais ici, Allah dit « Wa anta hillun bihadha al-balad ». C'est comme s'il lui disait « Mais toi, ça sera halal pour toi dans cette ville. » Et ça, à quoi est-ce que ça fait allusion ? Ça fait allusion à ce qui s'est passé en l'an 8, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec son armée reconquérir Mecca. Quand les alliés de Quraysh ont trahi le pacte qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin les musulmans et les tribus alliées aux musulmans, Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ils avaient rompu le pacte, il s'est dirigé avec son armée à Mecca et a reconquis Mecca. Donc en faisant ça, il s'est rendu Mecca halal. Et il a dit, comme c'est rapporté dans le hadith, que « Uhillat li sa'atan minan nahar » Mecca m'a été autorisé une période de une période de la journée. « Wa la tahillu li ahadin ba'di » Et elle ne sera plus jamais halal pour qui que ce soit. C'est-à-dire que la base de Mecca, c'est l'Hurma, c'est qu'elle est haram, mais Allah l'a permis, l'a rendu halal au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de combattre dans Mecca pendant une période de la journée. Pourquoi ? Pour un but qui était plus grand et plus noble, qui était eh bien, d'expulser les mouchriquins de Mecca et surtout eh bien, d'enlever les asnam et toutes les statues, toutes les idoles qui étaient adorées à Mecca. Donc Allah lui a... En fait, cette sourate, Al-Balad, il faut savoir qu'elle a été révélée à Mecca, c'est-à-dire avant la Hijra. Donc c'est une annonce de ce qui va se passer. Donc c'est une dizaine d'années avant ou plus, je ne sais pas quelle année exactement elle a été révélée cette sourate, mais en tout cas, Fathu Mecca, ça a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire. Donc au moins 8 ans avant que ça se produise, Allah lui a dit, tu seras halal dans cette ville. Et le sens, il est ce qui s'est passé en l'an 8. C'est-à-dire qu'il a combattu, il a repris Mecca. Même si, en vérité, il y a eu peu de combats. Il y a eu peu de combats. Ce n'était pas réellement un combat. Il n'y a que quelques groupes des gens de la Mecque qui sont sortis pour combattre par-ci, par-là. Mais en vérité, les gens de la Mecque se sont soumis. Ensuite, Allah a juré par une autre chose. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin par... Le walid, c'est ce qui enfante. Ou on va dire par un père. Wa ma walada. Yani wallazi walada. Et par ce qui l'enfante. C'est-à-dire qu'Allah a juré par le père et son enfant. Ou par tout ce qui peut être parent et tout ce qui peut être enfant. Et comme le dit l'imam al-Tabari, rahimahullah, Allah n'a rien précisé ici. Il n'a pas précisé que ça fait partie, que ça, il s'agit d'Adam, ni quoi que ce soit. Donc, ça reste sur son sens global. C'est-à-dire qu'Allah jure sur la paternité. Et la paternité et l'enfantement. Parce qu'il y a beaucoup de signes là-dedans. Wa walidin wa ma walad, laqad khalaqna l'insana fi kabad. Donc, sur quoi est-ce qu'Allah a juré ? Laqad khalaqna l'insana fi kabad. Nous avons créé l'être humain. Fi kabad dans al kabad, c'est la souffrance. Yani yukabidu umur ad dunya, yukabidu masaib ad dunya, yakhruju min ta'abin ila ta'abin akhar. C'est ça le sens qu'ils ont donné à kabad ici. C'est-à-dire que l'être humain, il a été créé dans pour souffrir, pour se fatiguer, pour passer d'une tristesse à l'autre, pour passer d'une angoisse à l'autre. Quand il sort d'un problème, peu de temps après, il rentre dans un autre problème. C'est comme si ce verset, il nous disait tout de suite que la vie, elle ne va pas être rose. C'est-à-dire que Allah nous l'a annoncé, que c'est sa sunna et c'est ce qu'il a voulu dans la vie d'ici-bas. C'est que la vie sera difficile pour les êtres humains. C'est-à-dire qu'ils doivent, yukabidun ad-dunya, c'est-à-dire ils affrontent et ils souffrent dans cette vie d'ici-bas. Et Tahir bin Ashur, rahimahullah, il explique que ce kabad, cette souffrance, elle est de deux sortes. Une qui est générale à tous les êtres humains, c'est-à-dire tous les êtres humains, forcément, ils se fatiguent, ils souffrent, etc. Ils luttent. Et une qui est plus spécialement destinée à ceux qui ne croient pas au Coran et qui ne croient pas au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'Allah dit dans le Coran, « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ » Celui qui se détourne de mon rappel aura une existence banka, c'est-à-dire serrée, une existence dure, triste, angoissée, difficile. Donc cela se rajoute une autre angoisse et une autre tristesse, qui est le manque de foi, et qui est la plus grande d'elles, qui est plus grande que celle que tout le monde connaît. Laqad khalaqna l'insana fi kabad. Passe-moi un mushaf, s'il te plaît, je n'ai pas oublié un verset. Ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad. Ensuite, Allah dit à propos de l'être humain. Merci, Mohamed. Pense-t-il à Yahsabu an la yaqdira alayhi ahad, que personne n'aura capacité sur lui. C'est-à-dire, est-ce qu'il pense, cet être humain, dans son orgueil et dans le fait qu'il se détourne du rappel d'Allah et de l'au-delà, il pense que personne et qu'Allah n'a pas de contrôle sur lui et qu'il échappe à Allah et que personne n'a de pouvoir sur lui. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. Il dit, c'est-à-dire l'être humain dit, j'ai dépensé des biens, lubada, c'est-à-dire en grande quantité. Donc il se vante d'avoir dépensé dans les choses qui sont, dans les choses qui sont futiles, dans les choses qui relèvent de la vanité. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. Pense-t-il que personne ne l'a vu? C'est-à-dire il oublie ou il semble, il fait semblant d'ignorer quand Allah le voit. Il se vante, mais il oublie, il fait semblant d'ignorer, ou il veut ignorer qu'Allah l'a vu. Donc il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala en se vantant des dépenses qu'il fait dans le faux. Ensuite, Allah lui rappelle certains de ses bienfaits. Alam naj'al lahu aynayn. Ne nous lui avons pas donné deux yeux. C'est-à-dire, notamment, ça, qu'est-ce que ça signifie? Si nous lui avons donné deux yeux, alors nous, d'autant plus, nous le voyons dans ce qu'il fait. Walisanan wa shafatayn, une langue et deux lèvres. Et ça fait partie des signes d'Allah. Un bout de chair avec deux lèvres, et ça fait des lettres, ça fait des mots, ça fait des paroles par lesquelles on exprime des sens, on exprime des idées, etc., des sentiments. Donc Allah dit Alam naj'al lahu aynayn, ne lui avons-nous pas donné deux yeux, une langue et deux lèvres. Wa hadaynahu najdayn. Ne l'avons-nous pas guidé aux deux chemins? Un najd ici signifie le chemin. Et ça veut dire tariq al-khayr wa tariq al-shar. C'est-à-dire que nous lui avons montré le bien et nous lui avons montré le mal. Déjà par sa fitra, c'est-à-dire que l'être humain, sans que tu lui expliques quoi que ce soit, il conçoit qu'il y a quelque chose qui est bien, qu'il y a quelque chose qui est mal. Et en plus avec la révélation des livres et l'envoi des prophètes. Donc nous lui avons montré le bien et nous lui avons montré le mal. Fala qtahama l'aqaba. Mais il n'a pas iqtahama. C'est comme gravir quelque chose qui est difficile à gravir. Et l'aqaba, c'est les chemins de montagne qui sont difficiles. Donc c'est-à-dire il n'a pas gravi le chemin difficile. C'est-à-dire nous lui avons montré le bien, nous lui avons montré le mal. Et il n'a pas choisi de choisir la voie difficile qui est le bien. C'est-à-dire que le bien, c'est un chemin difficile à gravir. Pourquoi? Parce que ça va contre les désirs et les aspirations de base de l'être humain. Ça lui demande de dépenser de son argent, de faire des efforts, comme on va le voir dans les versets qui suivent. Falaqta hamal aqaba. Et certains parmi eux, c'est rapporté d'Abdullah ibn Omar, qui disait que l'aqaba, c'est une pente en enfer. Donc falaqta hamal aqaba, c'est-à-dire il n'a pas, il est en enfer. Et comme il n'a pas ici-bas gravi la pente, il ne gravira pas la pente en enfer également. Alors que celui qui fait les œuvres qui vont suivre, lui, l'aqaba, il l'a évité. C'est-à-dire il a gravi, il a fait l'effort de passer ce chemin ici-bas, et donc il l'évite dans l'au-delà. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Et qui te dira ce qu'est l'aqaba, c'est-à-dire la pente difficile ou le chemin difficile. Et donc Allah ici explique quel est ce chemin difficile qui assure la réussite de l'être humain. Fakku raqaba. Fakku, fakka, c'est ici libéré. Raqaba, une personne. Raqaba, c'est le cou. En arabe, on dit fakku raqaba. Fakka, c'est comme ouvrir, délier. Donc délier un cou, c'est-à-dire libérer une personne. Et généralement, on entend par là libérer un esclave. C'est-à-dire, par exemple, un esclave, il est chez son maître, on l'achète et on le libère. Ou alors, quelqu'un, il a un esclave et il le libère. Donc ça, il n'y a pas de doute que, si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est l'aqaba, c'est un chemin difficile, parce que l'esclave, c'est extrêmement cher, et il peut servir à l'être humain, il est au service de l'être humain. Donc le libérer gratuitement, simplement pour la récompense d'Allah, c'est sûr que c'est quelque chose de difficile. Et faqqu l'aqaba, ça peut être également libérer un prisonnier. Si un prisonnier, par exemple, musulman, il est détenu en temps de guerre et qu'on demande une rançon, et qu'un riche il vient et de sa fortune il dépense la rançon pour le libérer. Donc là il a fait fakku raqaba sans qu'on parle d'esclave, on parle de prisonnier. Ou it'amun fi yawmin dhi masrabatin. Ou it'am, donner à manger. Fi yawmin, dans un jour, dhi masraba, un jour de famine. Al masraba, c'est la grande famine. Donc dans un jour de famine, donc qui? Yatiman dha maqraba, un orphelin dha maqraba, qui a un lien de parenté. Pourquoi Allah a précisé qu'il y a un lien de parenté? Parce que celui-là, il est prioritaire à celui qui n'a pas de lien de parenté. C'est-à-dire que quand tu fais un acte de bienfaisance, une aumône, avant de te tourner vers les autres, regarde déjà dans ta famille, tes frères, tes oncles, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui en a besoin? Parce que c'est aoula, c'est-à-dire c'est plus à même et c'est mieux et plus digne et prioritaire que tu leur donnes quelque chose et que tu sois bienfaisant envers eux. Donc l'orphelin, on rappelle, c'est celui dont le père est mort alors qu'il avait moins de 7 ans. C'est ça qu'on appelle yatim dans l'islam. Donc pourquoi yatim? Pourquoi le père spécialement? Parce que le père, c'est lui qui est chargé. On dit bien chargé, c'est pas forcément lui qui le fait, mais c'est lui qui est chargé de dépenser pour son enfant, de le vêtir, de le nourrir, etc. Donc lui, il a perdu celui qui dépense pour lui. Donc, nourrir dans un jour de grande famine un orphelin qui a un lien de parenté, ou miskinan va matraba, ou un pauvre va matraba. Matraba, ça vient de turab. Va matraba, c'est-à-dire qui est tellement pauvre, en fait, ça c'est une image. C'est-à-dire qu'il n'a que la poussière, ou alors qu'il est collé à la poussière. C'est-à-dire la pauvreté l'a allongé dans la poussière, l'a réduit dans la poussière. C'est ça le sens ici. C'est-à-dire que ça exprime une grande pauvreté. Et le miskin, il a été appelé miskin parce que al-faqr askanahu, la pauvreté, elle l'a rendu sakin. Elle l'a comme immobilisé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire ce que les gens font normalement. Il n'a pas de quoi se nourrir, etc. De façon, c'est-à-dire suffisamment. Askanahu al-faqr. Donc, ou un pauvre, dha matraba, c'est-à-dire qui est en grande situation de pauvreté. Et là, on voit que Allah parle de nourrir dans un jour de grande famine. Un orphelin qui a un lien de parenté. Un pauvre, dha matrabatin, qui est réduit dans la poussière, allongé dans la poussière. Alors qu'on peut nourrir un orphelin sans qu'il soit un parent. On peut nourrir un pauvre sans qu'il s'agisse d'un jour de grande famine. Et on peut nourrir un pauvre sans qu'il soit réduit à cet état de pauvreté. Donc ici, Allah a cité les meilleures situations dans lesquelles donner. Ça, c'est un point qu'on peut souligner ici. C'est qu'une des choses qui font que la bonne action, elle est multipliée. On sait que la bonne action, elle peut être multipliée de 10 jusqu'à 700, voire plus. Un des critères, c'est quand il s'agit d'une action qui est entre toi et autrui, c'est l'utilité qu'elle a, cette action. C'est-à-dire que tu peux donner à un pauvre qui, en vérité, mange à sa faim. Mais simplement, il ne mange pas le plus correctement possible. C'est-à-dire, il ne mange pas normalement. Il mange, mais pas normalement, comme tous les gens mangent autour de lui. Mais il mange. Il s'habille, mais pas normalement, comme tout le monde autour de lui. Donc lui, si tu lui donnes une sadaqa, c'est un grand bien. Maintenant, un pauvre qui en est à mourir de faim, à pas manger pendant 2-3 jours, si tu lui donnes à lui, le bien, il est beaucoup plus grand. Et ça nous renvoie au hadith de la femme Al-Bari, la femme fornicatrice de Ben Israël, qui avait donné à boire à un chien. Et le simple fait de donner à boire à un chien, ça l'a fait sur cela, ça lui a valu le pardon d'Allah. Et elle a évité l'enfer grâce à cet acte, ce seul acte. Bien sûr, c'était une mu'mina, puisqu'elle faisait partie de Ben Israël. Donc cet acte, il lui a valu le pardon d'Allah. Mais quand on regarde cet acte, il était envers un chien qui allait... C'est-à-dire qu'il léchait par terre tellement il cherchait quelque chose à boire. Donc c'était dans une grande détresse. Donc le fait d'aider en grande détresse, ça a plus de valeur et plus de mérite que d'aider dans la difficulté qui est normale, on va dire. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Puis, qui était, c'est-à-dire puis, ثم ici, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire, parce qu'on sait que thumma en arabe, ça veut dire après, ensuite. Mais ici, ça ne veut pas dire qu'il a nourri, qu'il a donné à l'orphelin, puis ensuite, il était parmi ceux qui ont eu la foi, qui se sont recommandés la patience et qui se sont recommandés la miséricorde. Parce que parfois, thumma, il peut vouloir dire que toi, tu cites ça après, mais pas que la chose s'est déroulée après. J'espère que j'ai été clair, ça peut... En fait, il est déjà croyant au moment où il donne. C'est pour ça d'ailleurs qu'Allah a dit « Kana thumma », c'est-à-dire « et également kana », il était parmi ceux. Pour montrer que le simple fait de donner, le simple fait d'aider l'orphelin, etc., ça ne sert à rien sans le critère principal qui est « al-iman ». Comme on le voit par exemple dans le hadith j'ai oublié comment il s'appelait cet homme. Dans la Jahiliya, un homme qui était connu à la Mecque pour être généreux. Et un jour, Aïcha a dit à, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça va lui servir? Il a dit là, ça ne lui servira à rien. Innahu lam yaqul yawman qat, rabbi ghfirli yawm ad-din. Il a dit, ça ne lui servira à rien, car il n'a jamais dit, oh Allah, pardonne-moi au jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pensé au pardon d'Allah, il n'adorait pas Allah seul, etc. Il ne croyait pas en l'akhira, il n'avait pas l'iman, donc ses bonnes actions, elles ne lui serviront à rien. Donc, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Et également, il faisait partie de ceux, الَّذِينَ آمَنُوا, de ceux qui avaient l'iman. Donc l'iman, bien sûr, principalement l'iman, la foi en Allah seul, dans le sens où on l'adore sans rien lui associer, et en son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ça, on ne peut pas appeler ça l'iman, on ne peut pas appeler ça la foi. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Donc ceux qui avaient la foi, qui se recommandaient la patience. Donc qu'est-ce qu'on comprend par تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ? تَوَاصَوْا, c'est-à-dire يُوصِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Ils se recommandent les uns les autres. Donc ça sous-entend que lui-même il est sabir. Mais il ne se contente pas d'être, sabir, il recommande aux autres d'être sabirin. Donc tawassal, c'est ça que ça veut dire. C'est que non seulement il fait preuve de sabr, et également il encourage les autres, et il appelle les autres à faire preuve de sabr. As-sabr, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est ce qu'on appelle habsun nafs, se retenir. Se retenir face à trois choses. Se retenir face au destin douloureux, al-aqdar al-mu'lima, en patientant et en s'abstenant de crier, de s'arracher les vêtements, de s'arracher les cheveux, de se plaindre d'Allah, etc. Ça c'est al-sabr, face au destin. Al-sabr, face à l'obéissance d'Allah, puisque le fait de faire ce qu'Allah t'a dit de faire, ça demande beaucoup de sabr. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le Coran, فَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُمْ سَمِيَّ. Patiente, فَاسْتَبِرْ. Il n'a pas dit فَاسْتَبِرْ seulement. إِسْتَبِرْ, c'est plus fort. C'est comme, équipe-toi de patience, لِعِبَادَتِ. لِعِبَادَتِ, pour l'adorer. C'est comme s'il disait, pour affronter l'adoration, équipe-toi de patience. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne à ta famille de faire la salat, ou astabir alayha. Arme-toi de patience vis-à-vis d'elle. Donc, adorer Allah, faire la salat, ça demande de la patience, il n'y a aucun doute. Puisque c'est quelque chose de continu, de quotidien, qui demande des efforts. Et la troisième sorte de sabre, c'est as-sabr ala ma'siyatillah. Patienter, se retenir face au péché. Également, ça demande beaucoup de patience et de retenue, puisque, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, حفت الجنة بالمكاره. Donc ça parle de l'obéissance. وحفت النار, j'ai oublié, بالشهوات, ou je sais plus. C'est à dire que l'enfer, elle est entourée des choses que l'être humain désire. Les péchés, c'est le chemin, les choses que l'être humain aime, et dont beaucoup sont interdites, c'est le chemin de l'enfer. Donc il doit se retenir. Donc ensemble, c'est face au destin, face aux choses qui sont à faire, et face aux choses qui sont interdite. Donc ceux qui avaient la foi, qui se recommandent mutuellement la patience et qui se recommandent mutuellement al-marhama, c'est-à-dire al-rahma, la miséricorde. Et dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à la miséricorde, comme quand il dit irhamu man fil ardi irhamkum man fil sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Donc ça c'est général, aux êtres humains, aux animaux. Yarhamkum man fis sama, celui qui est aux cieux vous fera miséricorde. Ar-Rahimun, yarhamuhumur Rahman. Ceux qui sont Rahimun, ceux qui sont cléments, miséricordieux, qui font preuve de pitié, Ar-Rahman leur fait yarhamuhum, leur fait clémence, leur fait miséricorde, les traite avec Rahma, c'est-à-dire avec pitié, avec clémence, avec miséricorde. Donc ils se le recommandent les uns les autres. Comme quoi également il ne suffit pas d'être rahim, mais il faut également s'enjoindre la miséricorde les uns aux autres. Oulaika ashabul maimana. Ceux-là sont les gens de la droite. Les gens de la droite qui sont cités dans au début de la sourate al-Waqi'a, quand Allah a divisé les gens en trois. Al-Muqarrabun, les gens les plus rapprochés. Après, seulement Ashabul Yamin, les gens de la droite qui sont les gens du paradis, c'est-à-dire ceux qui entrent directement, et Ashabul Shimal, les gens de l'enfer. Donc ceux-là sont les gens de la droite. Donc à quoi est-ce qu'elle nous invite cette sourate, quand on y réfléchit, à quoi est-ce qu'elle nous à quoi est-ce qu'elle nous encourage à gravir la pente, c'est-à-dire à faire preuve de persévérance face aux bonnes œuvres pour pouvoir entrer au paradis. Et parmi ces bonnes œuvres, eh bien, le fait de donner à manger, le fait de bien traiter les orphelins, d'avoir pitié envers les pauvres, d'avoir la foi, de faire preuve de patience et de se recommander la patience, de faire preuve de miséricorde et de se recommander la miséricorde. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Donc tout de suite après avoir cité les gens de la droite, Allah cite les gens de la gauche. C'est pour ça que le Coran a été appelé Mathani. Parce qu'à chaque fois qu'il cite le paradis, il cite après l'enfer. Il parle de l'Akhira, il parle après de Dunya. Il parle du paradis, de l'enfer. Des gens du paradis, des gens de l'enfer. Donc on voit qu'ici, Allah dit, ceux-là sont les gens de la droite. Et tout de suite après, et ceux qui mécroient en nos signes, ceux-là sont les gens de Al-Mash'ama. Al-Mash'ama, ça peut vouloir dire Shimal, les gens de la gauche, donc les gens de l'enfer qui sont cités dans Sourate Al-Waqi'a, ou alors également Ash-Shu'um. Ash-Shu'um, j'ai pas de mot en français pour le traduire, mais il y a un mot mais qui est un peu populaire, c'est la poisse. Ash-Shu'um, c'est les gens du malheur, quoi. Les gens qui sont destinés au malheur. Donc c'est les gens de la gauche et les gens du malheur, c'est-à-dire que leur vie, elle est voués au malheur, puisqu'ils ont mécru aux signes d'Allah. Alayhim narun muqsada, muqsadatun. Ils auront sur eux un feu qui sera muqsada, yani mughlaqa, qui sera refermé sur eux, c'est-à-dire dont ils ne pourront jamais sortir. Qui a jeté un œil un peu au signe de Cheikh Tayyar? Envie. Non, personne. Je vous invite à aller sur le site et vous allez dans les livres et vous téléchargez en PDF Tafsir Juz Amma. Il a fait le Tafsir Juz Amma. Et également, qui a lu un peu l'Uthaymin, Tafsir de l'Uthaymin, Saadi, en français, oui. Saadi, ils ont fait quoi en français de Saadi? C'est-à-dire? Bah, quelle partie? Un tout, tout. Ah ouais. En deux tomes. Inch'Allah. Et deux groupes avec moi. Ah ouais, je l'ai vu. Ouais, sur les violons, j'ai tout. Ben voilà, quand vous n'avez plus d'excuses. Donc, on passe au cours de fiqh. Donc, le cours de fiqh, je vous rappelle, soit vous le suivez avec le livre et vous prenez des notes sur le livre, soit vous notez, mais il faut éviter de rester juste comme ça. À moins que, par exemple, en dehors de ça, vous suivez des cours de fiqh, et que là, c'est un surplus. C'est un truc en plus qui vous fait réviser. D'accord. Mais un cours de fiqh, même s'il fait que 20 minutes, le suivre que comme ça, ça va pas, je crois pas que ça va donner beaucoup de résultats. Parce que vous voyez que c'est quand même, il y a beaucoup de choses à retenir, il y a des détails et tout. Donc on passe au chapitre suivant dans le cours de fiqh qui dit « Al-mas'alatul khamisa min sunanil fitra » Min sunan il fitra. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, je cite certaines sunan. Sunan ici, c'est le pluriel de sunna. Sunna qui veut dire ici une habitude. Donc en arabe, le mot sunna, il veut dire une habitude, une coutume, un modèle, etc. Et le verbe sanna, sanna c'est comme instaurer un modèle, instaurer une habitude, instaurer une coutume. Donc là, de quel sunan il parle? De sunan al fitra. Les sunan. Donc, entre guillemets, on va traduire par les habitudes, de la fitra. Qu'est-ce qu'on entend par le fitra? Donc, il explique, ta'rifuha al-fitratu hiya sunnatul qawlima wal-khilqatul mubtada'a. Il dit, al-fitra, c'est la sunna droite. C'est-à-dire, c'est l'agissement qu'il faut, le bon agissement qu'il faut suivre, la bonne habitude qu'il faut prendre, wal-khilqatul mubtada'a, et l'apparence, le physique originel. C'est-à-dire, tel que Allah a créé Adam et tel qu'il veut que, c'est-à-dire l'aspect qu'Allah attend de l'être humain. وَالْفِطْرَةُ هِيَ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ فِي حَيَاتِهِ. Donc il dit, et la fitra, c'est ce sur quoi l'être humain doit être dans sa vie. C'est-à-dire ce que l'être humain doit adopter. Donc al-fitra, il y a beaucoup de paroles de ulama sur le sens de al-fitra. qui veut dire plus ou moins la nature originelle de l'être humain. Comme dans le hadith, quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Kullu mauloudin yuladu ala al-fitra. Tout enfant né sur la fitra, c'est-à-dire la nature originelle. Et après, il dit, regardez la suite du hadith, elle nous aide à comprendre le sens du mot fitra. Il dit, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Tout enfant né sur la fitra, puis ses parents le rendent chrétien, ou juif, ou majusi. Majusi, zoroastrien, ou quelque chose comme ça. La religion des Perses. Donc, on voit bien que le mot fitra, il a un sens religieux. En opposition, il a dit, puis ils le rendent chrétien. Chrétien, c'est une religion. C'est comme s'il était sur la fitra, puis ils le rendent dans une autre religion. Donc, on voit que la question de la fitra, c'est un sens religieux. En fait, ça signifie que l'être humain, quand il naît comme un réceptacle au message divin. C'est-à-dire, son cœur, il est apte à recevoir le message divin. Et il correspond au message divin. S'il naît dans un environnement qui est sain de tout facteur qui viendrait perturber ça, ben il va grandir en musulman normal et ça, il va l'intégrer de façon normalement. De façon normalement, super. De façon normale. De façon naturelle. Parce que sa nature correspond à ça. Alors que les autres, non. Les autres, ça le fait de lui dire qu'il faut adorer d'autres dieux, croire en d'autres dieux, etc. Et tout ce qui en suit dans ces autres... religion, ça le détourne de sa nature originelle. Donc les sunan al-fitra, ça ce sont des pratiques corporelles qui correspondent à la fitra. C'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Donc il dit, min sunan al-fitra, parmi les sunan de la fitra, sachant qu'il y a deux hadiths qui disent, qui parlent de sunan al-fitra, un qui parle de khams, 5, et un qui parle de 10. Et celui qui parle de 10, c'est le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui est dans Sahih Muslim. Et c'est un des hadiths de Sahih Muslim qui a été critiqué par les savants du hadith. Un des rares hadiths de Sahih Muslim. Mais de toute façon, tout ça sont des choses, même s'il n'y a pas que le hadith de Aïcha, il y a d'autres textes qui en parlent. Donc moi je voulais vous dire qu'il y a les hadiths qui parlent de Sunan al-Fitra et qui les citent tous. Il y en a deux. Il y en a un qui en cite 5 et un qui en cite 10. Mais après, chacune d'entre elles, on les retrouve dans d'autres hadiths. C'est ça que je voulais dire. Donc il dit As-Siwak. Donc parmi les sunan de sunan al-fitra, as-siwak. Donc as-siwak, on va pas trop s'étendre sur son sens, on l'a déjà expliqué. Siwak signifie se nettoyer la bouche, les dents, la langue, les gencives avec un objet. Wa huwa masnunun fi kulli waqt. Et il est recommandé à tout instant. Ça on l'a déjà vu. Wa huwa mataharatun lil-fami marḍatun lir-rabb. Il est une purification pour la bouche et un objet de satisfaction pour le Seigneur. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, As-siwak mataharatun lil-fam, le siwak est une purification pour la bouche, maradatun lil-rab, c'est-à-dire il satisfait Allah. Wa yata'akkadu, donc il dit au début, masnoun, c'est une sunna, c'est-à-dire qu'il est recommandé tout le temps. Et après il dit, wa yata'akkadu, c'est-à-dire quoi yata'akkadu? C'est encore plus, voilà. Yata'akkad, c'est encore plus. Donc il devient sunna mu'akkada. Sunna mu'akkada, dans le fiqh, bien sûr, ça signifie quelque chose qui est recommandé, mais fortement recommandé. Donc il a cité différents moments où le siwak il est plus recommandé. Il dit, y'inda l'wudu, quand on fait l'wudu, wa salah, et la prière, parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la'ula ana shuqqa ala ummati, la amarhum bis siwaki inda kulli wudu, et dans un autre hadith inda kulli sala wa qira'ati al-quran, lorsqu'on récite le Coran pour purifier sa bouche avant de réciter la parole d'Allah, wa dukhul al-masjid, avant d'entrer à la mosquée, wal manzil, et la maison. Donc quand quelqu'un a demandé à Aïcha radhiyallahu anha quelle était la première chose que le prophète faisait sallallahu alayhi wa sallam en entrant chez lui, elle a dit le siwak. Donc, si c'est vrai pour chez soi, la mosquée, ça l'est encore plus. Puisque c'est là qu'on va faire le rappel d'Allah, prier, lire le Coran. Ou inda l'istiqadi minan naw, lorsqu'on se réveille après avoir dormi, ça également s'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait la nuit, il commençait par le siwak. Ou inda taghayyuri ra'ihatil fam, et quand l'odeur de la bouche change. Et ça, ils disent notamment, c'est quand on se tait pendant de longues heures. C'est bien de faire le siwak. ثانيا حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وغسل البراجم. Deuxièmement, donc en fait il en a cité plusieurs en un seul point, il a dit premièrement halq al-ana. Al-ana, c'est les poils qui poussent au-dessus des parties hâtives, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme, ou également autour des parties hâtives. Donc halq al-ana, ça veut dire raser ça. Donc la sunna, c'est de le raser, même si ce qui est voulu, c'est de l'enlever. Donc si on l'enlève avec des crèmes, etc., ça c'est ce que les beaucoup de salaf faisaient. Mais les hadiths parlent de raser. Wanatful ibt et épiler les aisselles. Donc on voit bien que la sunna a fait la différence entre les deux. C'est pas pour rien. Si les hadiths ils ont fait une différence, c'est qu'il y a une différence. C'est-à-dire qu'on rase les poils des parties intimes. Par contre, les aisselles, le mieux et ce qui est demandé, c'est de les épiler. Encore une fois, le but, c'est de les enlever. Si on n'arrive pas à les épiler, ben, le but c'est de les enlever avec une crème ou en les rasant ou autre, mais la sunna, pour faire le mieux possible, c'est de les épiler. Après, comme je dis à chaque fois quand je parle de ce genre de sujet, voilà, les femmes elles s'épilent, donc pourquoi un homme il arriverait pas à faire ce qu'une femme elle arrive à supporter. Voilà, parce qu'elles accouchent. Elles accouchent aussi. Ah mais nous on peut pas. la douleur. Ah on peut pas mais. C'est des poils un peu. وَقَصُّ الْأَظَافِرِ se couper les ongles des mains, les ongles des pieds. وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ et laver al-barajim. Al-barajim, ils disent que c'est tous les plis des mains. En gros, ça veut dire se laver les mains. C'est-à-dire al-barajim, donc les espaces entre les doigts, les plis des mains, le fait de les laver. C'est-à-dire les laver souvent et les laver quand ils. Quand, par exemple, quelqu'un qui utilise la terre ou qui fait des travaux ou quoi que ce soit. Sachant que dans un hadith de Anas, qui est dans Sahih Muslim, Anas a dit, radiallahu anhu, « Waqqatalana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Il a dit, le prophète nous a, sallallahu alayhi wa sallam, « Waqqata », c'est-à-dire il a mis un temps. « Arba'ina yawman », 40 jours pour faire ces choses-là. C'est-à-dire quand on s'épile les aisselles, on se rase les poils des parties intimes, on coupe ses ongles, et aussi, ça c'est le point suivant, on se taille les moustaches, il ne faut pas le faire avant plus de 40 jours la fois suivante. Il faut attendre plus de 40 jours pour le refaire. Troisièmement, il dit qassu sharibi wa i'fa'u al-lihyati wa tawfiruha. Donc troisièmement, le fait de couper ses moustaches, donc de les couper et les couper courtes. C'est ça la sunna, c'est les couper courtes. Wa i'fa'u al-lihya. Donc sachant que qassu sharib, on peut en parler de secondes, les moustaches, en fait il y a des hadiths qui disent ahfou. Ahfou c'est plus profond que qassu. Donc de là, certains savants ont dit ahfou, ça veut dire c'est les faire disparaître complètement. Et donc de là, ils ont permis le rasage des moustaches à partir du terme ahfou qu'il y a dans les hadiths. Et d'autres ont dit que, donc il y aurait deux sunnas, raser les moustaches ou qassu. Le qas, c'est-à-dire de les couper, de sorte à ce qu'elles ne tombent pas sur les lèvres, même si on la laisse. Et d'autres ont dit que même le mot ahfou, il ne veut pas dire raser. Quand donc, à cas, il faut les raser, mais que le terme ahfou veut dire de les couper bien courtes. Donc dans tous les cas, la sunna, c'est de couper les moustaches et ne pas les laisser tomber sur les lèvres. Wa i'fa ou lihyati. I'fa, en arabe, ça veut dire laisser. Laisser, al-lihya, la définition de al-lihya, c'est al-sha'ru nabitu ala al-lahyayn, les poils qui poussent sur les mâchoires ou al-zaqn, et le menton. Donc c'est la barbe. Donc ça fait partie de sunan al-fitra, c'est de laisser pousser la barbe. Donc dans les quatre écoles, à ma connaissance, il n'y a pas de divergence à ce sujet, il est obligatoire à l'homme de laisser pousser sa barbe dans l'islam, et de la laisser pousser. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il a dit ici « wa tawfiruha ». Avec ensuite des divergences et des discussions entre eux sur qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut ne pas enlever. Ça, c'est un autre sujet. Mais globalement, le sujet de « i'fa'u al-lihya », celui-là, c'est un sujet qui fait l'accord des fuqaha. Là où ils discutent, en se basant sur des athars des sahaba, des athars des tabi'in, etc., c'est sur qu'est-ce qu'on peut enlever de la barbe. Donc, parmi les salafs, certains, en fait, si vous voulez, si on revient au salaf et aux anciens fuqaha, leur compréhension, elle se divisait en deux. Certains d'entre eux disaient, comprenez, en fait, que disent les hadiths? Les hadiths disent ou'ful liha, ou alors a'ful liha, ou alors wafiru liha. Donc certains d'entre eux étaient d'avis que il est complètement interdit de prendre quoi que ce soit de sa main. Ça, c'est rapporté de certains tabi'ins. Et d'autres étaient d'avis que le sens, c'est qu'il faut laisser pousser sa barbe, et qu'ensuite, on peut en prendre un peu pour qu'elle soit belle. Comme par exemple, c'est rapporté de l'imam Malik. L'imam Malik, il dit « Illa ma fahusha tolou » sauf quand c'est trop long. Et certains, ils disaient même, certains fuqaha anciens, ils considéraient même qu'avoir une barbe trop longue, ça rentre dans shura, le truc que je vous expliquais la semaine dernière. Quand vraiment la barbe elle est trop longue, c'est shura, c'est-à-dire qu'ils distinguent trop des gens avec une grande barbe, mais ils doivent la couper. Certains fuqaha, ils considéraient ça. Donc eux, ils sont plus dans l'esprit que l'être humain, l'homme, il doit laisser pousser sa barbe, mais après, il peut en prendre un peu pour qu'elle soit belle. À noter aussi que l'imam Ahmed, rahimahullah, il précisait que ici, ça ne fait pas partie de la barbe, ce qu'on appelle al-hanak, c'est-à-dire le cou est en dessous de la bouche, ici. Alors ça, il n'y a pas de problème. On peut le raser, on peut le prendre, etc. D'accord? Ça, c'était pour vous dire les deux grandes compréhensions qu'on trouve chez Salaf al-Salih. Soit certains qui disaient non, les hadiths tels quels, et d'autres qui regardaient le ma'na. Le ma'na, c'est qu'il faut laisser pousser sa barbe, mais qu'ensuite, comme beaucoup de hadiths disent qu'il faut Allah est beau, il aime la beauté, etc., qu'il n'y a pas de mal à en prendre un petit peu sur les côtés, en longueur, comme c'est rapporté de l'imam Ahmed, de l'imam Malik. Mais ça doit toujours rester dans Tawfir. Si vous comprenez, Tawfir, c'est la laisser. C'est-à-dire ça ne doit pas être au point de les barres de 3 jours, les barres de 4 jours, etc. C'est juste dans le sens où quelqu'un il a des poils qui partent à droite, qui partent à gauche, et il les coupe. Ou dans la longueur, c'est dans ce sens-là. Après, il est bien connu aussi la question de l'qabda. Ça, c'est l'imam Ahmed, il était de cet avis. Qu'on peut prendre d'un al-qabda, c'est-à-dire ce qui dépasse quand on attrape sa barbe, ce qui dépasse le point. Par rapport à ce qui est rapporté de Ibn Omar, Abu Huraira, Jabir et d'autres. Le point suivant, le quatrième, il dit ikram sha'r al-ra's wa dahnuhu wa tasrihuhu. Il dit ikram, comment on va traduire ici, ikram sha'r, bien traiter ses cheveux, prendre soin de ses cheveux, de ses cheveux, wa dahnuhu, ou plutôt dahnuhu, je pense ici dahn, c'est utiliser dahn. En fait, à l'époque, ils avaient ce qu'on appelle dahn, des huiles, certaines graisses végétales ou autres qu'ils utilisaient sur leurs cheveux pour en prendre soin et également pour s'embellir. Donc après, ça c'est selon les époques et selon les araf, c'est-à-dire selon les coutumes et selon les époques. Ou atasri'hum, tasri'h, c'est le fait de peigner et brosser ses cheveux. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire ici par là? C'est que le musulman, il laisse pas ses cheveux comme ça n'importe comment, il doit prendre soin d'eux. S'il laisse pousser ses cheveux, il doit prendre soin de ses cheveux, il doit les nettoyer, il doit les peigner, il doit les brosser, utiliser des produits qui prennent soin qui entretiennent ses cheveux, etc., etc. L'imam Ahmed, lui, il allait jusqu'à considérer que laisser pousser ses cheveux, c'était la sunna, parce que c'est ce qui était rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il disait, huwa sunnatu launa qwa alayh, il disait, c'est la sunna si seulement j'arrivais à le faire. L'imam Ahmed, il disait ça, il disait, wala kin fihi mu'na. Il dit, ça demande de l'entretien. Il dit, j'y arrive pas. C'est-à-dire, c'est vrai que ça demande trop d'entretien. Donc, en tout cas, ça signifie que le musulman, il doit prendre soin de ses cheveux. Il ne doit pas avoir l'air de quelqu'un négligé. Ensuite, il dit, wa yukrahu al-qaza'u. Et il est déconseillé, al-qaza'u. Wa huwa halqu ba'di al-ra'si wa tarku ba'dihi. Li'annahu yushawwihu al-khilqa. Et il est déconseillé de faire al-qaza'u. Al-Qazar, ça vient de, à la base, des nuages qui sont dispersés comme ça, on appelle ça Qazar. Et le Qazar, il dit, c'est le fait de raser une partie de la tête et de laisser une autre partie de la tête. Donc à l'époque, les Arabes, ils avaient des habitudes de ce genre, surtout avec les enfants. Et c'est des habitudes, c'est un peu marrant quand on les explique. Par exemple, ils rasaient le dessus de la tête et ils laissaient les côtés. Ou alors, ils rasaient toute la tête et ils laissaient une longue tresse. Comme Shaolin et tout ça. Donc ils avaient ce genre d'habitude et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et les fuqaha ont interprété cette interdiction par al-karaha, en disant que c'est déconseillé de pratiquer ça. Khamisan, tariyiru shayni bil hanna et wal katam. Cinquièmement, c'est de teindre les poils blancs avec du henné ou al-katam. Al-katam, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. C'est un végétal. Donc, en tout cas, ça veut dire le fait de ne pas laisser des cheveux blancs ou des poils blancs, c'est recommandé de les teindre. Sauf en noir. En noir, c'est interdit. C'est interdit. En noir, ouais, c'est tout interdit. Tout noir, faut teindre ces poils blancs. C'est pas qu'il faut, c'est recommandé. Ouais, ouais, ouais, c'est bien. C'est bien interdit. Ah, t'as mal expliqué alors. Tu m'as dit quoi, tout noir? C'est tout noir qui est interdit aussi. Ouais, le noir, ouais. Tout ce qui est marron, tout ça, ouais, c'est tous les... Mais noir, non. Noir, c'est interdit. Sadisan, at-tatayyumu bil miski wa ghayri. Sixièmement, le fait d'utiliser du parfum, que ce soit du musc ou autre. Ici, on peut faire un petit... Quand on dit le musc, c'est du musc, c'est un vrai parfum qu'on extrait des antilopes, etc. Les parfums qu'on vend dans les maktaba comme ça, tout le monde appelle ça musc. Et j'ai observé qu'il y en a beaucoup, quand ils rentrent dans le din, ils croient que, par exemple, c'est sunna de mettre ces parfums-là. Non. La sunna, c'est... Enfin, ce qui est demandé du muslim, ça fait partie de sunna al-fitra, c'est d'utiliser du parfum. C'est-à-dire de sentir bon. Après, c'est pas forcément avec le petit parfum de la maktaba. C'est pas ça qui est demandé. Qu'en est-il du parfum où il peut y avoir de l'alcool, les... Franchement, il y a trop de... Moi, je suis d'avis qu'il vaut mieux l'éviter. Si on peut l'éviter, on l'évite. Mais c'est difficile. C'est difficile d'éviter ça parce que... Il y en a dans tous les parfums. Bah voilà. Ou alors, effectivement, tu vas mettre les petits trucs des maktaba. Mais ça, il faut savoir que pour la santé, c'est assez catastrophique. Hein. Ouais. Voilà. Les petits parfums, là, c'est de la catastrophe. Hein. Ah, c'est du chimique, c'est catastrophique. Ouais. D'accord. En plus, ouais, comme dit le frère, c'est pas testé ni rien du tout. Hein. Les petits parfums, là, faut faire attention quand même. D'accord. En tout cas, at-tatayyub. Donc tout ça, ça nous montre, on en comprend l'esprit général, c'est le fait d'avoir une apparence respectable, une apparence agréable, et quelque chose qui fait que l'être humain il est propre et il ne modifie pas sa khilqa, c'est-à-dire sa nature originelle. Et le subhanallah, l'imam Ahmed, rahimahullah, peut-être que son madhab, c'est le madhab qui détaille le plus ces questions-là. C'est-à-dire que dans le madhab d'Imam Ahmed, dans ce chapitre-là, il détaille tout. Il recommande même, l'Imam Ahmed, il recommandait même un navaru fil mir'ah. Il précise ça dans les livres de fiqh. Il recommandait le fait de se regarder dans un miroir pour éviter tout ce qu'on peut éviter, quoi. C'est quand on ne se regarde pas dans un miroir. Et que pensez-vous de la chirurgie esthétique? T'es parti, voilà. La chirurgie esthétique. Moi, ce que je connais... Bon, en fait, je connais quelques trucs sur ça. C'est que la chirurgie esthétique, en vérité, si c'est pour modifier un aïb, c'est-à-dire un sixième doigt, quelque chose qui handicape la personne, qui n'est pas normal, par lequel Allah l'a éprouvé, il n'y a pas de mal à ce qu'il l'enlève. Ou alors pour réparer. Par exemple, quelqu'un il s'est cassé le nez et ça l'a défiguré, ou alors il s'est défiguré dans un accident, il peut utiliser la chirurgie esthétique pour... C'est-à-dire pour revenir à la normale. Mais pas pour... comme ils font, quoi. Voilà, ils sont plus les qu'autre chose quand ils le font. Pas pour soi-disant s'embellir. Wallahu a'lam, mais de toute façon, comme d'habitude, moi je vous dis, vous allez sur le site lifta.net, tu vas chercher dans le tabouib, dans le faharas, tu vas tout trouver sur ça. Parce que parfois, quand vous me posez une question comme ça, j'ai pu avoir lu, mais je ne vais pas donner en détail. Alors ensuite il dit al-khitan, la circoncision, wa huwa qat'u juz'in min al-jildati allati tughatti al-hashafa li alla yajtami'a fiha al-wasakh wa al-bawl. Donc la circoncision, bon, tout le monde comprend ce que c'est. Il dit c'est pour éviter que les saletés et l'urine se s'amassent dans cette partie du corps. Donc la circoncision, elle est recommandée, voire selon certains savants obligatoire, et elle est obligatoire à partir de un peu avant le boulot, un peu avant la puberté. Et elle est recommandée, fais-sirar, quand on est petit. Pourquoi ? Parce que quand on est petit, c'est plus facile ça fait moins mal et ça se répare plus vite. Mais elle, quand est-ce qu'elle devient obligatoire? Pour ceux qui disent qu'elle est obligatoire, ben c'est quand l'être humain il est pubère, parce que c'est là qu'il a des devoirs. C'est la vie de l'imam Ahmed, disons ça. À ma connaissance, ouais. Dans le Mazhab, en fait, il y a deux avis, comme quoi c'est permis, recommandé, comme quoi c'est obligatoire. On passe à l'Odon ou pas? 48 minutes. Bon, on va faire un peu l'Odon. Donc on passe au chapitre suivant, El-Wudu. Donc El-Wudu qu'on traduit souvent par les ablutions. Donc je ne sais pas pourquoi on traduit au pluriel en fait. Moi j'ai cherché, on peut dire l'ablution. Je sais pas pourquoi on dit les ablutions. Je sais pas. Est-ce que c'est pas un truc, parfois ça arrive, il y a un traducteur qui lance un truc et après tout le monde se le refile. Ça arrive ça dans les livres. Donc je vois pas ce qui empêche de dire l'ablution. Si quelqu'un s'y connaît, bah, il nous expliquera la fois prochaine, Inch'Allah. Alors il dit ma'na al-wudu, que veut dire l'ablution? Isti'mal ma'in tahurin, c'est l'utilisation de l'eau pure et purifiante, fil a'dha' al-arba'a, dans les quatre membres du corps, c'est-à-dire le visage, les mains, quand on dit les mains, bien sûr jusqu'au coude, la tête et les pieds, ala sifatin mahsusatin fi shar', d'une façon que la religion a déterminée. Fadl al-wudu, le mérite de l'ablution. يدل لفضل الوضوء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال donc le prophète a dit à ce sujet صلى الله عليه وسلم c'est rapporté par مسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء il dit chacun d'entre vous qui fait le wudu et qui le fait il a dit يصبغ du verbe asbara qu'est-ce que ça veut dire asbara c'est un mot qu'on va expliquer tout de suite c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le wudu dans les hadiths dans les paroles des fuqaha on parle de Yusbiru, isbar l'eau. Isbar l'eau, ça veut dire faire l'eau de sorte à ce que l'eau passe bien partout. C'est ça, isbar l'eau. Donc bien sûr, c'est obligatoire. Isbar l'eau, c'est le fait de faire l'eau, on va dire, complètement, sans rater un endroit qui doit être lavé. Thumma yaqulu, donc celui qui fait l'eau complètement, et dit ensuite, Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'est de divinité qu'Allah. Wahdahu, la sharika la, seul et sans associé. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ les huit portes du paradis lui seront ouvertes يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ il entrera par celle qu'il veut c'est-à-dire cette action lui vaut cela donc ça on voit que les ablutions elles ont enfin les ablutions je sais pas l'ablution a un mérite immense auprès d'Allah وإسبار الوضوء على الأعضاء من غير إسراف موجب لأهله أن يكونوا من الغر المحجرين يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل également il dit donc le fait de bien faire l'ablution sans gâcher de l'eau bien sûr vaut à la personne de faire partie de ce que le prophète a appelé sallallahu alayhi wa sallam al-ghur al-muhajjalin. C'est quoi al-ghur al-muhajjalin? Al-ghur là, c'est une trace blanche qui est sur le visage, je ne sais pas sur du visage pour un cheval, mais c'est pas grave, le visage du cheval. Les traces blanches qu'ils ont parfois ici entre les yeux. On appelle ça al-ghur là. Et le tahjil, c'est les traces blanches qu'ils ont au-dessus des sabots. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, ma communauté se présentera au jour de la résurrection, rurran muhajjalin. C'est-à-dire avec, comme nous l'explique d'autres hadiths, ils seront illuminés là où ils faisaient les ablutions. C'est-à-dire ils seront blancs et illuminés au niveau de leur visage, de leurs mains et de leurs pieds. Donc il l'a appelé comme on parle des cheveux, rurran muhajjalin. À la fin du hadith, il a dit, donc celui qui peut allonger sa rurra, qu'il le fasse. Mais en fait, ça, c'est pas le prophète qui l'a dit, c'est Abu Huraira, radiallahu anhu. Quand il a rapporté ce hadith, il a dit cela. Et Abu Huraira, il allongeait l'ombre jusqu'ici. Et jusqu'à la moitié du mollet. Pour allonger la trace de lumière. Et les savants ont divergé par rapport à ce qu'il a fait Abu Huraira. Est-ce qu'on dit, bon, c'est son ijtihad, et on le laisse à lui, et nous, on fait l'ombre normal. Donc, dans les quatre madaris, si je ne me trompe pas, alors, chez l'imam Shafi'i, j'en suis sûr, l'imam Ahmed, je crois, en tout cas dans les quatre madahib, certains ont recommandé ça. On appelle ça itala tul ghurra, c'est-à-dire de dépasser le coude et de dépasser la cheville quand on fait le roux. Et d'autres on dit non. On dit il ne faut pas dépasser la cheville, il ne faut pas dépasser le coude. Et ça c'est un ijtihad d'Abu Huraira et on lui laisse son ijtihad. Wallahu a'lam. Le mieux c'est quoi alors? Franchement, le mieux fais-le. Alhamdulillah, Abu Huraira a entendu le hadith, il en a compris ça. Derrière, des fuqaha, ils l'ont validé. Alhamdulillah, pourquoi on ne le ferait pas? À notre niveau. À notre niveau, on suit la compréhension d'Abu Huraira. Les fuqaha, ils ont validé certains. Et ils sont pas assez, ils sont nombreux, c'est pas un ou deux. Ils ont validé cette compréhension. Celui qui veut plus de mérite, il peut le faire. Tu n'as rien perdu en faisant ça. Et tu n'as pas commis ni d'erreur ni d'innovation. Il faisait ça dès le début du vivant du prophète, c'est ça? Ça, je ne sais pas s'il l'a fait de son vivant. En fait, c'est rapporté de lui que les gens l'ont vu le faire. Et le prophète était déjà mort. Ça va dire ça. Mais certains, ils l'ont appuyé par le fait que c'est également rapporté vers Abdullah ibn Omar. Et là, ça tranche un peu le sujet. Mais ça, c'était pas... En fait, j'ai parlé de ça juste parce que dans le hadith, là, il dit ça. C'est pas encore notre sujet, là. Vous voyez? C'était pour expliquer un peu le hadith. Il dit ensuite « shorot ou wudu », les conditions de wudu. Donc qu'est-ce qu'on entend par « shorot » ?« Shorot », c'est le pluriel du mot « shart », condition. Qu'est-ce qu'on appelle une condition dans le fiqh ? C'est quelque chose qui précède l'acte en question, mais dont dépend la validité de l'acte en question. C'est-à-dire quand on parle de « shorot » à « salah », c'est des conditions qu'il faut réunir avant « salah », pas pendant, avant. Et donc pour l'ondo, c'est des conditions à réunir avant Salah. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Shurut al-wudu ashara. Les conditions des ablutions sont au nombre de 10. Al-islam, al-aql, al-tamiz. Les trois premières, c'est simple. Elles sont valables pour toutes les ibadat. On aurait pu ne pas les citer. En fait, ça c'est valable pour toute adoration. L'islam, le fait qu'il soit musulman. Wal-aql, le fait qu'il soit saint d'esprit. Wal-tamiz. Qu'est-ce qu'on entend par tamiz? Voilà, l'âge de discernement. En fait, tamiz, ça veut dire discernement en arabe. On peut dire l'âge de raison, plus ou moins. C'est avant la puberté. Et ils disent généralement, c'est à l'âge de 7 ans, plus ou moins. Donc, entre 7 ans et la puberté, on appelle ça tamiz. Et après vient la puberté qu'on appelle al-boulour. Avant le boulour, il n'y a rien qui est obligé à l'être humain. Mais... Donc pourquoi on dit shorot al-wudu? Ça lui est pas obligé, mais ça lui est accepté. C'est-à-dire, si un petit de 8 ans il fait le wudu, bah il a toutes les récompenses qu'on a lues dans les hadiths. Pourtant, il n'était pas obligé. S'il fait salah, il a toutes les récompenses qui sont rapportées dans les hadiths. S'il jeûne, s'il fait le hajj, etc., etc. Si ce n'est que, quand on dit qu'il n'est pas obligé, certes, c'est-à-dire lui, il n'a pas de compte à rendre. Par contre, son wali, son tuteur ou son père, ça peut être son oncle, ça peut être, ça dépend qui s'occupe de lui, a le devoir, lui, de lui faire faire tout ça, les ablutions, la salat, etc., quand il est moumayiz, quand il a tamiz, c'est-à-dire à peu près à l'âge de 7 ans. Certains ont dit à l'âge de 7 ans, en se basant sur le fameux hadith que vous connaissez, et d'autres ont dit être tamiz, c'est-à-dire s'il a la raison avant 7 ans, c'est avant 7 ans. Si c'est après, c'est après. C'est pas à 7 ans spécialement. Pourquoi ils ont divergé? Bah, par rapport à ce hadith. Est-ce que certains l'ont accepté, d'autres non? Ça ne change pas grand chose en vérité. Le verset où Allah ordonne la prière à 7 ans. C'est quoi le verset à 7 ans? Le hadith, tu veux dire? Il n'y a pas de verset qui ordonne la prière à 7 ans. Oui, le hadith. C'est ce hadith-là justement. Certains, ils l'ont pris en compte, d'autres non. Toujours pour des discussions sur la chaîne de transmission, etc. Mais à la fin, ça ne change pas grand chose. C'est-à-dire que le tamiz, c'est aux alentours de toute façon de 7 ans. Parce que tu parlais de hajj. Ouais. Il ne faut pas attendre d'être baligh pour faire le hajj au moins. Pour faire ce qu'on appelle hijjatul islam, ouais. C'est-à-dire pour que tu fasses le hajj et que ça ne soit plus obligatoire, il faut être puber. Ah, mais tu peux le faire avant et ça compte pour toi. Par contre, on peut faire une exception, c'est avec al-zaka. Zaka, tamiz, il n'est pas demandé. C'est-à-dire qu'un enfant de 1 an, s'il a une fortune sur son compte, son wali, il doit en sortir la zakat. Quatrièmement, an-niyyatu wastishabu hukmiha bi an la yanwiya qat'aha hatta tatimma at-tahara. Pour ceux qui suivent en arabe, ils ont oublié un mot qui est quand même grave. ils disent, regardez, an-niyatu wa istishabu hukmiha bi an, et là il faut rajouter la bi an la la yanwi qat'aha, sinon ça fait, ça veut rien dire. Ils ont dit bi an yanwi qat'aha, alors il faut qu'il y ait l'intention d'arrêter l'ablution avant la fin. Non, bi an la yanwi qat'aha. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Il dit an-niyya, la quatrième condition c'est an-niyya. On l'avait déjà expliqué, c'est que avant de faire l'oudou, il faut que j'ai la niya de l'oudou. C'est quoi la niya de l'oudou? Ça peut être plusieurs choses. Donc ils vont être dans mon esprit. Et qu'il ne faut pas dire par la bouche. La niya, c'est dans le cœur. Ça peut être quoi la niya? La niya, ça peut être que je veux prier. Et je me dis, je vais faire l'oudou pour prier. Donc j'ai eu l'intention de faire une chose que je ne peux faire qu'avec l'oudou. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon, je peux prier, lire le Coran, faire tout ce que je peux faire avec l'oudou. Ou alors, par exemple, j'ai lu un livre de fiqh où on me dit le l'oudou, yarfa'u al-hadath. L'ablution, elle, enlève le hadath, comme on l'avait vu au tout début. Le hadath, c'est le wasf, c'est une caractéristique abstraite qui fait que l'être humain, il ne peut pas prier. C'est le contraire de tahara, la purification. Donc quand il va faire l'oudou, il se dit, arfa'u al-hadath, j'enlève de moi le hadath. C'est bon, cette niya, elle passe. Ou alors, l'oudou, dans le sens, il se dit bien, c'est l'oudou. L'oudou que la religion, elle m'a ordonné. Pourquoi on précise ça? Parce que l'oudou, en arabe, il existe avant que la religion, elle l'enseigne. Donc, il ne faudrait pas que ce soit... Bon, ça, c'est impossible maintenant. Imaginons un pur arabe de l'époque, il se dit l'oudou, sans penser à l'oudou, que nous, on connaît. Donc, ça ne passerait pas. Il faut que ce soit l'oudou shari, l'oudou religieux. Wastishabu, qu'est-ce que ça veut dire à la suite là? Wastishabu hukmiha. Bah, il a expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire wastishabu hukmiha? Bi an la yanwiya qat'aha hatta tatimma at-tahara. Istishabu hukmiha, ça veut dire et il faut continuer le hukm de la niya pendant tout le wudu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux que. Là, je vais vous donner un tuyau, un truc qui va vous aider quand vous allez le livre. On a deux choses. Istishabu al-hukmi. Wastishab al-dhikri. Istishab al-dhikr, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que tu continues à faire le dhikr de la niya, à te dire je fais l'oudou, je fais l'oudou, je fais l'oudou, je fais l'oudou. C'est pas ça qui est voulu. Ça c'est istishab al-dhikr. Ça c'est pas demandé. Istishab al-hukm. C'est quoi le hukm? Le hukm c'est le jugement de la niya. C'est-à-dire tu as eu la niya, bon, le jugement il s'applique. Ben, tu dois traîner avec toi ce jugement jusqu'à la fin de l'oudou. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que tu ne te dis pas en plein milieu de l'oudou, ouais, vas-y, je fais plus l'oudou, ça y est. Si tu as fait ça, tu as eu cette niya de couper l'oudou, ton oudou il est coupé, il faut que tu le recommences. Donc en fait, ça veut dire l'ininterruption de la niya. Parce que comme la niya c'est la base, pas que tu la coupes en pleine ablution. Donc si par exemple tu es en train de faire l'oudou, tu as lavé tes mains, ta femme elle t'appelle, tu dis vas-y, je ferai l'oudou plus tard. Puis après, tu dis, oh non, finalement, je continue. Ben non, il faut que tu recommences. Parce qu'en fait, l'oudou, là, tu l'as coupé. En coupant sa niya. La niya, il faut qu'elle soit du début jusqu'à la fin. Khamisan inqita'u mujibin. Cinquièmement, l'interruption de ce qui oblige l'oudou. Mujib, yani, ma yujibu l'oudou. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la chose qui t'oblige de faire l'oudou, il faut qu'elle s'arrête. Par exemple, il faut que tu aies fini d'uriner avant de commencer l'oudou, etc., etc. Donc ça, c'est une chose qui est assez évidente. Sadisan al-istinja'u wal-istijmar. Sixièmement, l'istinja et l'istijmar qu'on a étudié la semaine passée. Donc chez les Hanabila, c'est une condition que l'istinja précède l'oudou. Parce que ça, quand vous y réfléchissez, ce n'est pas une question évidente. Parce que quelqu'un, il pourrait dire, ben, je n'ai pas fait l'istinja, par exemple. Je fais l'oudou. Ben, mon oudou, il est valable. Le fait que j'ai pas fait l'istinja, c'est autre chose. Je peux le faire après avec une douchette ou autre chose. Donc c'est pour ça qu'il y a une divergence entre les savants sur ce sujet. Nous, on va retenir ça pour ne pas se casser la tête. De toute façon, c'est ce qu'on fait. Personne ne va faire le contraire. On fait l'istinja et après on fait l'oudou. Sabi'an, an yakun al-ma ou tahiran. En fait, il aurait dû dire, au lieu de tahiran, c'était quoi le mieux de dire pour éviter toute ambiguïté? Tahuran. Il faut que l'eau soit tahour, pure et purifiante. Wa an yakuna mubahan, et qu'elle soit licite. Qu'est-ce que ça veut dire par licite? Réel marsoub, faut pas qu'elle soit volée. Si c'est de l'eau volée, les ablutions elles sont nulles. Parce que c'est comme si tu faisais de l'ablution avec rien. Et donc t'as pas l'eau d'eau. Tasi'an, izalatu ma yamna'u al-ma'a ila al-bashara. Neuvièmement, enlever ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau. Comme le vernis à ongles par exemple. Ça empêche l'eau d'atteindre un endroit que l'eau doit toucher. Donc, ou de la peinture si on a fait des travaux, etc. Donc, izala, ce qui est demandé, c'est le mieux qu'on peut faire. Imaginons, j'ai peint chez moi, j'essaye d'enlever la peinture sur mon bras, j'essaye, au bout d'un moment, ça y est, j'y arrive plus. Et il reste des petits points blancs, etc. Bah là, au bout d'un moment, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire, on fait tout ce qu'on peut, et si en faisant tout ce qu'on peut, il y en a qui ne part pas, alors c'est toléré. Et si c'est au point où, là, normalement, vous saurez me répondre maintenant, ça, on l'a appris. Ah non, on ne l'a pas appris. Je confonds un cours que j'ai fait à ce cas-là il n'y a pas longtemps. J'ai de la peinture, là, sur mon avant-bras. Donc une belle bande de 3 cm sur 10. J'arrive pas à l'enlever. Impossible de l'enlever. Ça part qu'avec le temps, par exemple. Ou ça part avec un produit que j'ai pas. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je fais mon dos et je fais le masque dessus. Comme je le ferais pour un plâtre ou un bandage ou un pansement. Vous compris? Je fais le dos, mais cette partie-là, je fais le masque dessus. Comme si c'était un pansement ou comme si c'était un bandage. Dixièmement, dukhul waqtin ala man hadathuhu da'imun. Dukhul waqtin. Waqt ash, waqt quoi? Salah. L'entrée de l'heure de la prière. Pour, pas pour tout le monde. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire l'ondo avant l'heure de vol? Oui, je peux. Mais pour une catégorie de personnes, non. Il faut qu'ils attendent que ce soit l'heure de la prière. Alaman hadathuhu, pour celui dont hadathuhu, son hadath da'imun, est constant. C'est qui man hadathuhu da'im? À la base, c'est le mustahab, la femme qui a des hémorragies constantes, hors des règles. Et les fuqaha lui ont assimilé ben celui qui a de la continence urinaire, etc. C'est-à-dire que lui, il a toujours l'urine qui lui coule. Lui, il doit attendre que ce soit l'heure de la prière pour faire l'ondo. Quand il a fait l'ondo, par exemple, c'est bon. Il a fait l'ondo après l'heure du vol, là, il ne fait plus attention à l'urine qui coule de lui. Et il prie. Il peut faire ratiba d'avant vol, il peut faire la rawatib qui sont après vol, etc. Tant qu'il ne casse pas l'ondo avec autre chose. S'il va aux toilettes, par exemple, là, il est comme tout le monde, qu'il refasse l'ondo. Mais ce hadath-là qu'il subit tout le temps, une fois qu'il a fait l'ondo, il ne le regarde plus. Par contre, non, c'est à ça, on devra en parler plus tard, mais on ne peut pas laisser un sujet comme ça, il faut préciser quelques trucs. Si il sait, là, et par exemple, il connaît son corps, il connaît sa maladie. Il sait que dans la journée, par exemple, le dhuhr, il est à 13h, le Asr, il est à 16h. Il sait que, on va prendre un exemple vraiment flag, il sait que, voilà, de 14h30 à 16h, c'est son incontinence, elle s'arrête. C'est un exemple un peu truc, mais c'est pour vous donner un exemple. Ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, en fin de matinée, ou vers la fin de l'après-midi, etc. Mais admettons, il sait, voilà, à 14h30, mes gouttes, elles s'arrêtent. Il attend après 14h30. Il ne va pas prier avec l'urine qui coule, alors qu'il sait que dans l'heure du dhuhr, il pourra prier sans urine qui coule. C'est pas si évident que ça, cette question, parce que quelqu'un qui est en voyage, il n'a pas d'eau, c'est l'heure du dhuhr, il doit faire le tayammum. Il sait qu'avant l'asr, il arrive en ville. Est-ce qu'il a le droit de faire le tayammum? Oui, il a le droit. Non, il a le droit. Il n'est pas obligé d'attendre la fin de l'heure de la prière pour prier avec l'eau. Il a le droit de prier tout de suite en faisant le tayammum. Donc, comme quoi, c'est pas si évident. On aurait pu lui dire, ben non, t'as le droit, c'est l'heure de la prière. Non, c'est deux questions qui sont différentes. Parce que le tayammum, là, il n'y a pas de problème, il va prier en état de pureté, etc. Alors que là, il a moyen d'éviter quelque chose qui est quelque chose qui empêche la salat, qui est la pureté, et l'écoulement de la pureté. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour le fiqh. Sinon, ça va faire long. Donc la dernière fois, j'avais oublié un petit truc, le hadith. Kul wa sharab walbas wa tasaddaq fi ghayri sarafin wa la makhila. Mange, bois, habille-toi, fais des aumônes sans excès et sans vanité. J'avais oublié de parler de tasaddaq. Que même dans les aumônes, il faut éviter l'israf et le makhila. Le makhila, c'est évident. C'est-à-dire que quand on fait une aumône, on ne le fait pas par ostentation, on ne le fait pas pour se vanter. Mais qu'en est-il de l'israf fi sadaqa? Qu'est-ce que l'israf quand on fait une aumône? L'israf quand on fait une aumône, c'est le fait de donner une aumône alors que déjà on a un wajib à faire. Ça, c'est l'israf. Donc par exemple, quelqu'un il n'a pas nourri suffisamment ses enfants et il va aller nourrir des pauvres. Quelqu'un il a des dettes à rembourser et il donne des aumônes. Ça, c'est l'israf fi sadaqa. Ses enfants et sa femme, il les laisse dans la galère et puis il aide à la mosquée. Ça, c'est l'israf fi sadaqa. Tout ça, c'est interdit. Puisque dans le nafaqa, il y a des priorités. Ta personne, ton épouse, tes enfants. Après, tu penses au sadaqat. Donc l'israf fi sadaqa, ça peut être... C'est-à-dire l'israf peut être dans le sadaqa. Comment? On retient tout simplement le fait de dépenser dans des dépenses surérogatoires alors que les dépenses obligatoires, elles ne sont pas assurées. Et parmi les dépenses obligatoires, un nafaqa. Un nafaqa, c'est l'entretien. L'entretien de sa personne. L'entretien de sa personne, c'est une nafaqa dans l'islam qui est considéré. L'entretien de son épouse et l'entretien de ses enfants. Et l'entretien, il doit être bil ma'ruf. C'est-à-dire, c'est pas juste, ils ont plus faim, j'ai fait mon boulot. Non, ça doit être bil ma'ruf. C'est-à-dire, correctement, selon l'endroit où tu vis, l'époque où tu vis et selon tes moyens. Quand ça, tu l'as assuré, tu peux penser, si tu as un surplus, à faire des aumônes. Pour le hajj, comme ça, wajib, si tu n'as pas encore été. Le hajj, encore une fois, donc on sait qu'Allah dit l'iman istata'a ilayhi sabila, pour celui qui peut y faire chemin. Et ils disent dans l'istita'a, c'est al-rahila. Donc al-rahila, ça ne nous concerne plus. Parce qu'à l'époque, al-rahila, c'est le véhicule. Maintenant, voilà, quand tu vas acheter, tu sais que ton avion il est là-bas, c'est Air Turkey ou Air France qui s'en occupent. Mais à l'époque, il fallait déjà avoir un chameau, ou il fallait avoir un cheval. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est l'istita'a, la capacité notamment financière. Et il dit cette capacité qui est demandée pour le hajj, c'est au-delà de tes besoins. Si elle rentre dans tes besoins, le hajj n'était pas obligatoire. Et dans tes besoins, bah, ils disent par exemple, en fait, tes besoins, c'est selon ta situation à toi, selon ta classe, entre guillemets, tout ce dont tu as besoin normalement, sans excès. Eh bien, si tu as tout juste pour faire ça, tu n'es pas obligé de faire le hajj. Non, je parlais au-delà du sujet. Ça, par exemple, si, ah ben ça peut si être vous voulez mettre de côté, mettons, pour le hajj, à condition que... Tort, si tu fais des aumônes, par exemple, et que tu n'as pas mis de côté pour le hajj. Non, ça, si c'est toi, pas... Si tu vis correctement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une bonne question. Ça, non. Tu peux faire des aumônes, même si tu n'as pas mis de côté pour le hajj. Pourquoi? Parce que mettre de côté pour le hajj, ça ne t'est pas demandé. En fait, le hajj, il t'est demandé si tu as l'argent. Mais il ne t'est pas demandé de mettre de côté pour que ça devienne obligatoire. Ouais. Parce que la règle, elle dit, vous, je pense que la règle, vous l'avez déjà entendu, celle-là qui dit « Ma la yajibulwa, ma la yumkinu fi'luhu, yumkinu l'wajibu illa bihi fahuwa wajib. » Ce par quoi on ne peut pas faire le wajib, lui-même il est wajib. Mais il y a une autre chose aussi, c'est tu remplaces le mot wajib par le wujub. Ma la ya'ti l'wujub illa bihi falaysa bi wajib. C'est-à-dire que si toi le hajj n'était pas obligatoire, tu n'es pas obligé de t'inventer les conditions pour qu'il te devienne obligatoire. Tu vois? C'est-à-dire si tu as les moyens, il t'est obligé. Mais est-ce que sur mon salaire, par exemple 2500 €, je suis obligé de me zayir tous les mois, je prends 100 € pour qu'un jour le hajj me devienne obligatoire? Non. Si j'ai l'argent, il m'est obligatoire. Sinon, bah, je n'ai pas à me forcer pour qu'il me devienne. C'est comme pour la zakat. La zakat, il faut avoir un nisab. Admettons, moi, dans ma vie normale, tous les mois, j'ai plus de nisab. Je n'ai pas à me forcer à avoir un nisab pour payer la zakat. C'est ça, en fait, l'histoire. Donc le hajj, c'est pareil. Je ne suis pas obligé de mettre de côté pour que le hajj me devienne obligatoire. Maintenant, je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit. Au contraire, c'est bien. Si tu économises en voulant faire son hajj, ben, mashallah, c'est magnifique. À condition comme ça, à là-bas, ça ne lui est pas obligé. Condition que d'abord, il est marié, accomplit ses besoins obligatoires. Et notamment dans les besoins obligatoires, donc il y a sa personne, sa femme et ses enfants. Et ses parents aussi? Ses parents, ça peut. En fait, ça, c'est un chapitre dans le fiqh qui s'appelle... Attention, je ne le maîtrise pas, le chapitre. Je ne vais pas vous tout vous... Parce qu'en fait, le problème pour maîtriser ce chapitre, il faut maîtriser le chapitre de l'héritage. Le chapitre de l'héritage, je le maîtriserai, vous en reparlerez. Alors, en fait, il y a un chapitre qui s'appelle un nafaqa. Un nafaqa, ça veut dire l'entretien, les dépenses. Et dans ce chapitre de fiqh, on apprend qui a en charge qui dans l'islam. Donc le truc qu'on connaît tous, c'est que l'homme, il a en charge sa femme et ses enfants, mais après, il y a plus que ça. Tu peux avoir en charge, et en fait, là, ils expliquent. Toute personne, donc si je me souviens bien, la règle, c'est toute personne dont tu hériterais. Toute personne dont tu serais l'héritier s'il mourait, quand il est dans le besoin et que tu en as les moyens, tu dois subvenir à ses besoins comme ton enfant. Il y a beaucoup de monde. C'est chaud, entre guillemets. C'est chaud, pourquoi? Parce que tu te dis que bah, parfois il y a des gens qui sont riches et ils laissent des gens de leur famille en galère, alors que, attention, quand on dit il y a beaucoup de monde, mais il faut que la personne soit dans le besoin et que toi tu aies les moyens. Il faut bien comprendre. C'est pas direct. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, tes parents, ils n'ont pas de quoi se nourrir. Et ça, ça répond un peu, si vous avez déjà cogité sur comment se passe le système, comment c'est une société dans l'islam, comment elle tourne. En France, on sait comment ça tourne. Il y a la CAF, il y a Pôle emploi, il y a le boulot. Donc on sait comment ça tourne. Dans l'islam, comment ça tournerait? On sait qu'il y a la zakat, etc. Mais sinon, il y a ce système de nafaqa. C'est-à-dire que l'homme, s'il est riche, et ça peut aller jusqu'à son frère, son cousin, son neveu. Il est pauvre, dans certaines conditions, donc c'est-à-dire son cousin ou son neveu, il est pauvre, et c'est-à-dire qu'il n'a pas fait exprès. C'est pas dans le sens où il pourrait travailler, il reste chez lui. Il est pauvre ou il est handicapé ou quoi que ce soit. Et lui, il est riche, il a un surplus. C'est-à-dire qu'il arrive à accomplir toutes ses obligations et il a un surplus. Il doit entretenir son neveu. Ça peut être sa sœur. Ça peut être son frère. Donc quand on apprend ça, bah on comprend en fait comment elle marcherait une société musulmane. C'est que le riche, forcément, il va entretenir certaines personnes. Ça, on le voit un peu chez qui? Chez ceux qui viennent du bled et qui envoient de l'argent au bled. Je ne dis pas qu'ils le font tel que c'est dans l'islam. Mais c'est un peu des restes et ça y ressemble. Beaucoup, on voit ça par exemple chez les Sénégalais, les Maliens, tout ça. Mais parfois, il y a du faux et parfois aussi, il y a du vrai. Parce que quand ils ont une grosse paye et que les parents ou la tante ou l'oncle là-bas, il est dans la difficulté, effectivement, il lui a un devoir de l'entretenir. Donc, la règle, qu'est-ce que c'est si vous devez retenir? C'est quand la personne, elle a plus que ce dont elle a besoin et que son proche est dans le besoin, est dans un vrai besoin. C'est-à-dire, c'est pas qu'il veut pas travailler, etc. Et que cette personne, lui, si cette personne mourait, lui, il en serait l'héritier. Et bien la règle, c'est qu'il il doit l'entretenir. Donc vous voyez que c'est... Donc pourquoi je vous disais faut maîtriser le sujet de l'héritage? Parce qu'il faut savoir de qui il est hérité. D'où, dans l'islam, la place du qadi, dans un pays musulman, la place du qadi, parce que c'est le qadi qui va te dire ça. Une personne, un pauvre, il va aller voir le qadi, il va dire, voilà, je suis pauvre, j'en ai marre, je sais pas comment faire. Le qadi, il va regarder. Lui, il va savoir. Est-ce que l'un de ses proches, il devrait dépenser pour lui et il va lui obliger? Il va l'appeler, il va lui dire, toi, maintenant, tu as pour obligation, comme tu nourris, tu loges tes enfants, tu dois le faire aussi pour lui. Bien sûr, parce que il a de l'argent en plus. Même s'il n'est pas musulman, par exemple. À ma connaissance, ouais. Ça n'a pas de... Ouais, effectivement. Donc ça, c'était pour préciser, pour le hadith de la dernière fois. Donc là, on passe à un sous-chapitre qui s'intitule Babul birri wa sila. Chapitre sur al-birr. Alors al-birr, on avait déjà expliqué au tout début, là, dans les premiers hadiths, que al-birr, c'est un des synonymes de al-din, al-iman, al-taqwa, etc. Et que al-birr, quand il est cité avec taqwa, comment on comprend les deux? Al-birr, c'est faire les obligations, ce qui est recommandé. Et taqwa, c'est ne pas faire ce qui est interdit, ce qui est déconseillé. Et si on cite al-birr tout seul et al-taqwa tout seul, ils ont le même sens. En fait, al-birr, ça englobe obéir à Allah et éviter ses interdits. Et parfois, le mot al-birr, il peut avoir un sens plus particulier que ça. Comme quand on dit birrul walidayn. Et c'est ça qui est sous-entendu ici. Al-birr, parfois, il peut avoir le sens de la bienfaisance. Et quand on parle des parents et qu'on dit birrul walidayn, c'est pas seulement la bienfaisance, mais aussi l'obéissance. Et ici, dans ce chapitre, c'est ça qui est voulu. Al-birr, ici, c'est ça. C'est pas toute la religion, toute l'obéissance à Allah, mais le comportement, notamment, envers les parents. Et ce titre-là, al-birr wassila, c'est un titre qu'on retrouve dans beaucoup de livres de hadith. Dans beaucoup de grands livres de hadith, du style de Sahih al-Bukhari, etc. Et as-sila, ça vient du verbe wasala, qui veut dire lier quelque chose. Donc as-sila, c'est le mastar de wasala. Wasala, il a plusieurs sens. Un des sens, c'est lier quelque chose, mais pas le couper. Donc qu'est-ce qu'on entend ici par là? C'est le fait d'entretenir les liens de parenté, comme on va le voir par la suite. Donc là, c'est un chapitre où il va citer des hadiths qui parlent de ce sujet. Donc il dit ici, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه أخرجه البخاري. Donc le prophète dit صلى الله عليه وسلم, celui qui aimerait qu'on yubsat, c'est élargir, في رزقه, qu'on élargisse son rizq. Qu'est-ce que c'est le rizq? Le rizq, c'est tout ce qui est profitable que l'être humain reçoit de la part d'Allah. Donc en premier lieu, à quoi on pense quand on parle de rizq? L'argent. L'argent, manger, boire, les vêtements, tout ce qui est moyen de subsistance. Et ça peut être aussi son épouse. Son épouse, c'est un rizq. Ses enfants, c'est un rizq. Et ça peut être aussi le domaine spirituel. Le ilm, c'est un rizq. C'est Allah qui le donne. Tu peux faire tous les efforts du monde, si Allah te l'interdit, tu ne l'auras pas. Comme tu peux partir de loin, si Allah te facilite, tu l'auras. Etc. Donc l'iman également, c'est un rizq. Tout ce qui est spirituel également, il relève du rizq. Donc ici, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aimerait qu'on lui élargisse son rizq. Et le fait qu'il, et après il dit, à la fin, qu'il entretienne ses liens de parenté. Et la deuxième chose, il a dit, وَأَنْ يُنْسَأَ يُنْسَأَ بِمَعْنَا يُؤَخَّرُ. Comme dans la surat al-Tawbah, إِنَّ مَنْ نَسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ مَا هُوَ النَّسِي النَّسِي هُوَ تَأْخِيرُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ. Quand les mouchriquins, donc il y a 4 mois sacrés, quand ils voulaient se faire la guerre, ils disaient, bon, on le fait ce mois-ci, puis on mettra un mois sacré plus tard. On appelle ça النَّسِي. Allah a dit, إِنَّ مَنْ نَسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ. Ou comme quand on dit dans l'usure, riba al-nasi'a, l'usure avec les délais. Dans les dettes à crédit, on appelle ça riba al-nasi'a. Donc yunsa'a, yani, qu'on retarde, fi athari, ses traces. Les Arabes appellent la vie, c'est-à-dire le délai, l'ajal, l'âge de l'être humain, ils l'appellent afar, les traces. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il part, il ne laisse plus d'eux, et ses traces partent avec lui. Donc en gros, ça signifie, celui qui veut être plus riche, plus recevoir plus de choses, et celui qui veut vivre plus longtemps, qu'il entretienne ses liens de parenté. Comment il a dit lien de parenté? Il a dit Rahim. Rahim, c'est l'utérus. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il a en commun avec tous ces gens. Même si en vérité, ça peut être aussi le père. Mais dans tous les cas, il y a une mère, quelque part, qu'ils ont en commun. Donc c'est pourquoi on l'appelle Rahim, le lien de parenté. Déjà, le fait que le prophète dise, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut ces choses-là, ça prouve que l'être humain, il n'est pas blâmé à vouloir plus d'argent et à vouloir vivre plus longtemps. Ça prouve que c'est quelque chose de normal, ça, chez l'être humain. La question, elle est ensuite, qu'est-ce qu'il fait de son argent, qu'est-ce qu'il fait de son temps? C'est ça la vraie question. Et qu'il ne soit pas esclave de l'argent. Ça prouve aussi que, un peu comme dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux jeunes, mariez-vous si vous n'y arrivez pas, etc. Il faut jeûner. Pourtant, on ne jeûne pas pour ça. Normalement, on jeûne pour la récompense d'Allah. Ça prouve que certaines ibadat, on peut les faire en voulant la récompense d'Allah et en pensant aussi au profit que ça nous ramène ici-bas. Parce que dans plusieurs hadiths, on voit ça. que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite une ibada et il cite aussi ce qu'on appelle un neuf dunyawi, un bien terrestre. Donc on a l'exemple ici. Il n'y a pas de mal à ce que le muslim nous dit, j'entretiens un million de parenté pour la satisfaction d'Allah, puis aussi parce que j'aimerais bien qu'Allah il me rende plus riche et qu'il me fasse vivre plus longtemps. Donc l'être humain n'est pas blâmé pour ça et pour cette niya. Donc une des causes à cela, c'est d'entretenir ces liens de parenté. La question que souvent on se pose quand on lit ce hadith, est-ce que ça contredit le destin, puisqu'on sait que le rizq et l'âge de l'être humain, il lui est déjà écrit. Ça contredit pas le destin, parce que ça c'est écrit, et les causes que tu as fait pour l'avoir, c'est également écrit. Comme par exemple, c'était écrit que tu allais guérir d'une maladie, mais c'était écrit que tu allais prendre tel médicament et que tu allais te soigner. Donc les conséquences sont écrites, mais les causes aussi. Donc il n'y a pas de... Allah a écrit une longue vie à celui dont il savait qu'il allait entretenir ses liens de parenté. Il a écrit un grand rizq à celui dont il savait. Donc les deux sont écrits de toute façon. Le fait que toi tu allais faire ceci ou cela, ça également c'est écrit. Ça c'est pour parler du destin. Mais toi, dans ta vie, il ne faut pas penser à ces choses-là. Toi tu te dis, tu sais pas combien tu vas vivre. Donc tu te dis, si tu veux vivre plus longtemps et être plus riche, c'est une des choses qui t'encourage en plus à entretenir tes liens de parenté. Que veut dire entretenir les liens de parenté? Ben on voit dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien qu'il précise. Il n'a pas dit de telle façon en envoyant une lettre, en les visitant. Pourquoi? Parce que justement c'est large. Et ça dépend d'une époque à l'autre, ça dépend d'une société à l'autre, ça dépend d'un peuple à l'autre. Tout ça, ça dépend. D'une famille à l'autre. Et également, ça dépend aussi du lien de parenté, s'il est plus ou moins fort. Tu ne traiteras pas avec ton frère comme tu traites avec son fils, ton neveu, par exemple. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est pas déterminé. Et c'est large. Ça peut être avec un coup de fil, ça peut être avec une lettre, ça peut être avec une visite, ça peut être avec une invitation, ça peut être avec de l'argent. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre dans Faliyasil Rahimahu, c'est que avant de penser à faire du bien aux autres, pense à ceux avec qui tu as un lien de parenté. C'est ça qui est important. C'est que ceux avec qui tu as un lien de parenté, tu les mets en priorité vis-à-vis des autres. Il est là la question dans, qui est importante à comprendre et à retenir dans Silatul Rahim. Et que tu ne fasses pas en sorte de couper ces liens. Donc comme entretenir les liens, ce n'est pas défini, couper les liens non plus, ce n'est pas défini. Couper les liens, selon une société, ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend. Certaines personnes, tu peux les appeler une fois dans l'année. Voilà, pour vous, vous considérez que vous avez gardé un lien. Alors que peut-être si on était sous un autre horizon, il faudrait que tu l'appelles tous les mois, etc. Donc, ça c'est quelque chose qui n'est pas défini, comme couper les liens n'est pas défini. Par contre, la question qui est très importante, ou très intéressante on va dire, c'est qui sont Al-Arham, qui sont ces gens avec qui tu es obligé de garder des liens de parenté. Comme il disait Abu al-Khattab, un des imams du Mazhab Hanbali, si on le comprend dans l'absolu, ben chaque être humain, il faut que tu gardes un lien de parenté. Parce que chaque être humain, tu as un lien de parenté. Donc c'est pas vraiment ça qui est voulu. Donc le Cheikh Abdullah al-Fawzan, Hafizahullah, dans l'explication, il a cité, il a expliqué que les savants ont divergé autour de trois opinions à ce sujet. Donc il a dit, la première, c'est que c'est al-mahram. C'est-à-dire, les hommes et les femmes, donc les femmes avec qui tu n'as pas le droit de te marier, et les hommes qui, s'ils étaient des femmes, tu n'aurais pas le droit de te marier avec. C'est-à-dire, ta mère, ton père, donc les grands-parents, tes frères et sœurs, tes tantes et tes oncles, tes neveux et tes nièces, et tes enfants et ta descendance. Donc ça, c'est le plus restreint. C'est le plus restreint. L'autre avis, et par contre, d'où ils ont tiré ça, c'est très pertinent et très intelligent. C'est le hadith qui dit « La yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha, wa la bayna al-mar'ati wa khalatiha. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, ça c'est un des mariages qui est interdit, qui n'est pas cité dans le Coran. C'est le fait d'épouser une femme et sa tante, paternelle ou maternelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. On sait, Allah dans le Coran, il a interdit d'épouser deux sœurs. c'est que l'homme, il peut épouser 4 femmes. Mais l'homme, il n'a pas le droit d'épouser 2 sœurs. Et la sunna, le hadith, il a rajouté, tu n'as pas le droit d'épouser une femme et sa tante. Pourquoi? Parce que il risque d'avoir de la tension entre elles, et ça risque d'arriver jusqu'à Qatr al-Rahim, à couper le lien de parenté. Donc ça prouve qu'il y a un lien de parenté à respecter, à entretenir et à ne pas couper entre eux, la tante et une femme et sa tante. Par contre, est-ce qu'il est interdit d'épouser une femme et sa cousine? Non. Ça prouve que là, il n'y a pas de lien de parenté qu'on craint qu'il soit coupé. Donc, les cousins, les cousines, ça ne rentre pas dedans. Vous avez vu comment ils ont déduit ça du hadith. C'est-à-dire que là, on parle de ce qui est obligatoire. J'aurais dû mieux m'expliquer. On parle de Silatul Rahim qui est obligatoire. Donc ils disent Silatul Rahim qui est obligatoire. Je l'ai. Silatul Rahim qui est obligatoire, c'est avec Al-Maharim. Et avec les cousins, les cousines, etc., ça reste recommandé, mais ce n'est pas obligé. Après, il dit une autre opinion. C'est. Là, c'est compliqué. C'est tous les gens dont tu hérites. Donc, ils héritent de toi. Donc là, encore une fois, il faut maîtriser le sujet de l'héritage. Et ça, ils l'ont retiré du hadith quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quelqu'un lui a dit, envers qui dois-je bien me comporter, lui a dit, ta mère, et ensuite ton père. Donc, on en comprend, la mère, ensuite le père. Or, dans l'héritage, c'est comme ça. Et donc, après, c'est de la même façon pour tout le reste. C'est selon les héritages. Et enfin, la troisième opinion, c'est, c'est pas précis, c'est en fait tous ceux avec qui tu as une proximité. Les cousins, les cousines, etc., les neveux, les nièces, éloignés ou pas éloignés, etc., tout le monde. En fait, là, en fait, c'est quoi la grosse différence? C'est les cousins, en fait. Ce qui va faire une grosse différence ici, c'est les cousins. Parce que les oncles, on n'en parle pas, les neveux, on n'en parle pas. Ce qui va faire une grosse différence, c'est la question des cousins. Donc, la troisième opinion, c'est que c'est le Mahalim plus tous les autres avec qui tu as un lien de parenté, et notamment les cousins. Et ça, il dit que Ibn Mufleh rapporte que l'imam Ahmed nassa alayh, c'est-à-dire il l'a dit textuellement. L'imam Ahmed l'a dit, rahimahullah, que telle est son opinion. C'est que c'est tous les gens avec qui tu as un lien de parenté que tu connais. Ça peut être un cousin éloigné, etc. Tout cela, il était obligatoire de lier les liens de parenté avec eux. Donc, pour la parenthèse, le cheikh, puisque c'est son explication qu'on vient de lire, lui, il est d'avis du premier avis. Et le premier avis, c'est l'avis de l'avis des Malikites et des Hanafites. Madame Maliki, Madame Hanafi. La deuxième, il dit, en fait, il n'a pas dit c'est tel madame, en fait, il a cité certains savants, Nawawi, Al-Qadi Iyad. Et la troisième, donc comme vous l'avez entendu, c'est ce qui est connu chez dans le madame de l'imam Ahmed, rahimahullah. On passe au hadith suivant. Il dit An Jubayr ibn Mut'imin radiyallahu anhu qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu al-jannata qati', ya'ni qati' ar-rahim, muttafaqun alayh. Donc ici le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, un qati', littéralement un coupeur, n'entre pas au paradis. C'est-à-dire, Soufiane ibn Uyayna, quand il a rapporté ce hadith, il a dit, ça signifie qati'u rahim, celui qui coupe son lien de parenté. Donc celui qui n'accomplit pas cette obligation d'entretenir son lien de parenté, le prophète a dit de lui, sallallahu alayhi wa sallam, la yatrulu jannah, il n'entrera pas au paradis. Donc bien sûr, comment on comprend ces hadiths, eh bien, comme tous les hadiths qui disent celui qui fait telle œuvre sera en enfer, celui qui fait telle œuvre n'entrera pas au paradis. C'est-à-dire que cette œuvre seule, c'est ça qu'elle lui vaut. Après, il reste la balance. D'ailleurs, la balance avec toutes ses autres œuvres, et peut-être qu'il a d'autres œuvres qui feront peser la balance pour qu'il entre au paradis. C'est-à-dire l'œuvre, elle, comme tout à l'heure, on a lu dans celui qui fait l'oubou, les 8 portes du paradis, elles sont ouvertes. Est-ce que ça veut dire quoi qu'il fasse? Non. Ça veut dire cette œuvre-là, elle lui vaut ça. Si c'est un croyant normal, cette œuvre-là, elle lui vaut ça. Voilà, c'est ça que ça signifie. Maintenant, reste ben, toutes les œuvres, elles vont s'opposer. Il peut faire une œuvre dont le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le paradis lui est interdit, il ne sentira pas l'odeur du paradis, et le même, il a fait une œuvre dont il dit, le paradis lui est obligé. Donc en fait, qu'est-ce qu'on comprend de tous ces hadiths? Cette œuvre-là lui vaut ça. Après, il reste la balance. C'est-à-dire que toutes ces œuvres, elles vont s'opposer, et c'est selon le plus fort qu'il va être destiné à ceci ou cela, et selon également le pardon d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah peut lui pardonner. Mais il est bien de savoir que certains imams parmi les salafs, comme l'imam Ahmed, l'imam Malik, Ali ibn al-Madini et d'autres, ils disaient ces hadiths-là, il ne faut pas les interpréter. Il dit Yurwa Kamajat. Pourquoi, à votre avis? Parce que si tu commences, bah oui, le prophète lui-même, il le savait, tout ce qu'on vient de dire, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous l'a appris. Mais alors pourquoi il dit La yatrulu jannata qati'a? Parce que c'est plus fort de parler comme ça. Ça ne sert à rien d'expliquer à chaque fois. Oui, mais bon, on sait que comme c'est un musulman, il va sortir de l'enfer. Ça ne sert à rien de dire ça. La yatrulu jannata qati'a. C'est ça la façon, le style du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était de parler comme ça. La yatrulu jannata qati'a. Voilà, comme ça, ça marque les esprits. Celui qui coupe les liens de parenté n'entre pas au paradis. Parce que dès que tu commences à expliquer, le neuf, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, allez, c'est bon, j'ai bien dû faire quelque chose. C'est à partir de quel moment qu'on coupe les liens de parenté? Bah, ça, je l'ai expliqué dans le hadith d'avant. C'est quelque chose qui est... C'est pas défini. Après aussi, par contre, quelque chose qui est important, je me souviens plus, mais je crois qu'après, il va en parler. Il va citer des hadiths qui en parlent. C'est que le qati'a, parfois, il peut avoir, par exemple, deux frères, ou un homme et son père, etc. Et l'un des deux, il commet tellement de mal à l'autre, que l'autre, il ne peut plus. Il ne peut plus l'appeler, il ne peut plus aller le voir, parce qu'il sait que s'il va le voir, s'il va l'appeler, c'est de la bagarre, c'est de l'humiliation. Et donc, il arrête. Là, celui qui est considéré comme qati'a, c'est l'autre, c'est pas lui. Lui, c'est une victime. Il ne va pas se forcer à écraser son honneur, à s'humilier, à mettre peut-être même ses biens en danger ou sa famille en danger pour dire à Ibrahim, non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire celui qui cause la rupture, c'est lui le qatir. Ça, il faut le savoir, parce que parfois il y a des gens qui se qallaquent un petit peu, ils sont dans des situations très difficiles, ou par exemple à chaque fois qu'il va voir son père, il se fait insulter, etc., etc., ou alors il essaie de lui prendre ses biens. En fait, plein de choses qui font que son honneur il est piétiné, ses biens sont piétinés, sa famille elle est menacée. Et avec ces hadiths-là, il se dit, je suis quand même obligé. Donc quand ça atteint un darar, quand ça atteint une vraie nuisance dans l'honneur, dans les biens, dans la religion, dans la famille, là c'est tout est pas obligé. Et c'est lui qui a coupé les liens de parenté. C'est lui par son comportement qui a coupé les liens de parenté, c'est pas toi. Donc pour revenir à ta question, c'est... Comme ça dépend. Comme au niveau des jours, tout ça, par exemple, on donne plus de nouvelles pendant. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure. Parfois, pour certaines personnes, ils peuvent s'appeler une fois par an, ça suffit. D'autres, non. Ils avaient l'habitude de s'appeler plus souvent, donc il faut s'appeler plus souvent. C'est selon, comme on a dit, selon le. Après, d'un peuple à l'autre, ça change. Même d'un peuple à l'autre, ça change. Par exemple, les Européens, bon, ben, on sait que. Voilà quoi, c'est un coup de fil l'année, et puis pour eux, c'est bien, j'ai eu des nouvelles. Donc d'un peuple à l'autre ça change, d'une époque à l'autre ça change, il n'y a pas de définition stricte. Et aussi, on peut souligner aussi que le Silatul Rahim, elle est d'autant plus recommandée avec celui qui est mauvais. Un frère qui t'aime pas, un neveu qui t'aime pas, qui parle sur toi, la Silatul Rahim, elle est d'autant plus recommandée envers lui. Pour essayer que, parce que ça reste un être humain. L'être humain, tu peux l'adoucir et tu peux le faire changer avec l'ihsan, contrairement aux shayatin. Les shayatin, Allah nous a dit à leur sujet, ista'idh, de demander la protection contre eux, alors qu'avec l'être humain, Allah nous dit de pardonner, de parler, de répondre avec des meilleures paroles. Parce que l'être humain, il a une nature qui fait que tu peux l'avoir avec le temps, même s'il est mauvais, tu peux l'adoucir et tu peux le faire réfléchir, etc. Ça, dans toutes les familles, on en a des exemples. Donc, ils disent que s'il est mauvais envers toi et il ne t'aime pas, etc., c'est d'autant plus recommandé. Pourquoi? Parce que quel est l'esprit de Silatul Rahim? L'esprit de Silatul Rahim, qu'est-ce que c'est? C'est de créer l'entente, c'est de créer de l'amour, c'est de créer de la paix, etc. entre eux, le maximum de gens possible. C'est ça l'esprit de Silatul Rahim. Donc celui qui t'aime pas, si avec Silatul Rahim ça peut changer, ben voilà, c'est ça le but. C'est où les trois jours qu'on se réconcilie? Ouais, ça c'est l'hajar, ça viendra après, il y a un hadith qui va venir sur ça, c'est un autre sujet. Le hadith suivant, qui soulève beaucoup de points différents, il dit Al-Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna Allah harrama alaykum 'uquq al-ummahat wa wa'd al-banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathrat as-su'al wa ida'at al-mal muttafaqun alayh. Ça, c'est un beau hadith, essayez de les retenir, ou d'en retenir quelques-uns, notamment celui-ci, où le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous a interdit, harrama. Donc, on voit qu'au début du hadith, il dit harrama, il vous a interdit, et après, il a dit, wa kariha, et il a détesté. C'est pas comme dans le fiqh, vous savez, le premier est haram, puis l'autre, c'est juste déconseillé. Non, dans les hadiths, makruh, c'est makruh vraiment, c'est-à-dire que vraiment, il ne faut pas le faire. C'est juste que il a employer deux mots différents pour une nuance entre les deux. Donc d'abord il a dit Allah vous a harrama, vous a interdit. Uquq al-ummahat. L'uquq, ça vient du verbe aqqa. L'uquq, c'est le pluriel de birr. Quand on dit birrul walidayn, le contraire c'est uquq al-walidayn. Donc qu'est-ce que c'est l'uquq? C'est la nuisance, faire du mal. Et ici c'est al-ummahat, au maman. Faire du mal à sa mère, faire pleurer sa mère, rendre triste sa mère, désobéir à sa mère, c'est-à-dire qu'on est censé lui obéir tant que elle leur donne pas quelque chose qui dépasse les limites ou qui est interdit. Donc Allah nous l'a interdit. Pourquoi il a spécialement parlé des mères? C'est pour montrer que la mère elle a un droit supérieur à celui du père dans ce sujet. Et parce qu'une femme généralement elle va plus être atteinte par le mal que son enfant lui fait que le père. Le père ça peut lui passer plus au-dessus de la tête que la mère. La mère, déjà, comme le simple fait que c'est une femme, ça va la toucher et la trister que le père. Donc Allah vous a interdit la désobéissance à l'ummahat. L'ummahat, c'est le pluriel de ummaha. En fait, c'est le pluriel de umm. En fait, il a un pluriel umm. On peut dire ummat. Mais quand on parle des femmes, on ne dit pas ummat, on dit ummahat, qui est le pluriel, en fait, de ummahatum. Wa wa'dil banat. Al-wa'd. Le wa'd, c'est enterrer vivant. Wa'd al-banat, c'est-à-dire enterrer les filles. Dans la jahiliya, les Arabes, ils enterraient leurs filles vivantes à la naissance. Ils ne voulaient pas de filles pour deux raisons. Pour la honte, ils considéraient que c'était une honte d'avoir des filles. Et pour parce que c'était ils voyaient ça comme un poids. Il fallait la nourrir, il fallait lui donner à voir, il fallait l'habiller. Alors qu'elle ne renforce pas la tribu. Si demain il y a une guerre, elle va nous servir à rien. Comment? Ouais, non, mais faut pas. Ouais. Cherche pas. C'est fou. Donc, ils enterraient les filles, voilà, par esprit comme ça, tribal, parce qu'ils pensaient que à l'honneur, la guerre, etc., etc. Donc, Allah l'a interdit, bien entendu. D'ailleurs, c'est cité dans le Coran. Allah dit quand on demandera à la fille enterrée vivante pour quel péché on l'a tuée. وَمَنْعَنْ وَهَتْ مَنْعَنْ وَهَتْ مَنْعَ c'est que tu ne veux pas donner et hat ça veut dire donne en fait ça veut dire tu ne donnes pas et tu demandes مَنْعَنْ وَهَتْ Allah il a interdit ça ça veut dire quoi مَنْعَنْ وَهَتْ c'est un peu comme dans وَيْلُنْ لِلْمُطَفِّفِينَ ça veut dire que مَنْعَنْ c'est quand tu as un haq qui est wajib par exemple tu dois encore une fois entretenir ta personne ta femme et tes enfants ou tu dois une dette à quelqu'un, tu as du mal, tu ne donnes pas, tu es avare. Par contre, quand il y a un truc qui te revient, hâte, tu demandes, ou t'en demandes même plus, ou même quand ça ne te revient pas. Donc ça, on le trouve un peu dans « وَيْلُمْ لِلْمُطَفِّفِينَ أَلَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ » Allah a dit « وَيْلُمْ » malheur à eux. Ceux qui, quand ils demandent qu'on pèse pour eux, ils demandent une pesée pleine, ils disent à ceux qui pèsent, mais bien tout le poids que je t'ai demandé, mais quand c'est eux qui pèsent pour les autres, ils trichent et ils diminuent la pesée. Donc ça c'est un caractère qu'Allah déteste et qu'il a haram, qu'il a rendu il les cite et il a dit Wailun, malheur à nous. Donc ici il a dit, il a appelé ça Manhan Wahat. Tu retiens, par contre tu demandes. Wakariha lakum qila wa qal. Ça peut être aussi dans, c'est pas seulement dans l'argent, ça peut être aussi dans les hukuk. Ça on le voit beaucoup dans les couples. Le mari qui dit ouais, c'est mon haq, mais lui il ne donne pas son haq. Ou la femme qui dit ouais, ça c'est mon haq, par contre le mari, le pauvre, peut toujours aller se faire voir. Ça on le voit beaucoup. Man'an wahat, c'est aussi dans les droits. C'est-à-dire qu'il réclame son droit, mais il n'est pas oupé, il ne fait pas son devoir vis-à-vis de sa femme ou la femme vis-à-vis de son homme. وَكَرِهَ لَكُمْ Et il déteste pour vous. قِيلَ وَقَال قِيلَ وَقَال قِيلَ, ça veut dire on a dit, قَال, il a dit. On a dit, il a dit. En fait, c'est le fait de beaucoup parler en disant oh, un tel y a dit, et l'autre il lui a répondu, et l'autre y a fait. C'est le fait de colporter les paroles des gens inutilement et sans les vérifier. قِيلَ وَقَال. Donc ça, c'est quelque chose qui est déconseillé et détestable. وَكَثْرَةَ السُّؤَال Et le fait de trop demander. Kafarata su'el. Donc su'el ici, on peut le traduire par demander ou par poser des questions. Donc kafarata su'el, trop demander, ça peut vouloir dire demander une chose à laquelle tu as le droit, mais tu demandes trop. Donc une forme de ça qui est arrivée par exemple à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé plusieurs fois, c'est que quelqu'un qui est pauvre, il peut aller demander au trésor public. À l'époque, Baytul Mal on appelle ça. Mais ça arrivait que des personnes abusent, c'est-à-dire qu'ils demandent trop. Ils demandent alors que par exemple ils pouvaient travailler, etc. Et dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait tant que vous me demanderez, je vous donnerai. Mais après il les mettait en garde contre le fait de trop demander. C'est-à-dire que le muslim il doit compter sur Allah et ensuite sur ses efforts au lieu de trop demander. Ou alors ça peut être aussi trop poser de questions, être trop curieux. Tu demandes, par exemple, une affaire, elle te concerne pas. Toi, tu es là dans la voiture, les deux autres, ils parlent, puis tu demandes, ah ouais, qui ? Ah, pourquoi ? Et alors qu'à la base, tu n'as rien à faire. Ça ne te concerne pas du tout. Ou alors, également, poser trop de questions dans la religion. C'est-à-dire des questions qui touchent à la aqida, par exemple. Ouais, mais pourquoi ? Ouais, mais comment ? Par exemple, au sujet du destin, au sujet d'Allah, des attributs d'Allah. Ouais, mais alors pourquoi ? Ouais, mais alors comment ? Des questions que le Coran n'a pas soulevées et qui n'ont aucun intérêt et qui sont là que pour te créer du doute, etc. Donc tout ça peut être kafaratu su'el, c'est assez, c'est deux mots qui soulèvent beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Wa ida'at al-mal, et le fait de gâcher al-mal, c'est les biens matériels, gâcher les biens, gâcher l'argent, c'est-à-dire en les dépensant plus qu'il ne le faut, comme on l'a vu la dernière fois, ou en les dépensant dans ce qui est haram. Ou alors, idaratul mal, c'est pas seulement au niveau de la dépense. Il y a dépenser, on en a parlé, ça, israf, c'est dépenser dans ce qui est bien, mais trop. Le tabdhir, c'est dépenser dans ce qui est interdit. Et idaratul mal, en fait, c'est deux mots qui soulèvent beaucoup de cas. Idaratul mal, ça peut être aussi confier ses biens à quelqu'un qui n'est pas de confiance, qui ne sait pas gérer. Quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit, etc. Ça peut être aussi, idaratul mal, le fait de ne pas protéger correctement ses biens. Idaratul mal, tu as une belle voiture et tu laisses ton ordinateur portable comme ça derrière sur la banquette, à l'île sud ou à Ouazem. Ça, c'est idaratul mal. Ça, c'est idaratul mal, par exemple. C'est-à-dire que tu dois respecter ce bienfait d'Allah en le protégeant et en faisant les causes pour les préserver. Muttafaqun alayh. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Vous voulez en faire un dernier ou pas ? Non ? Vous voulez aller ? Non, j'en fais un dernier alors. Là, si tu veux y aller, vas-y. Hein. J'en fais juste un dernier. An Abdillah ibn Amr, radiallahu anhuma, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a qad, ridallahi fi ridal walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Akhrajahu al-Tirmidhi. Donc dans ce hadith il est rapporté du prophète. Cependant, sallallahu alayhi wa sallam, la vérité c'est que c'est pas le prophète qui l'a dit, c'est le sahabi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc ça arrive dans des hadiths, c'est que parfois les rapporteurs du hadith, certains le rapportent en disant, je vous donne un exemple, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc là, on appelle ça un hadith marfou'. Marfou', c'est quand c'est le prophète qui l'a dit. Et parfois, le même hadith, d'autres disent An Abi Huraira, qal. Abu Huraira a dit. Et là, on appelle ça un hadith mawquf. C'est le sahabi qui l'a dit. Et ça, il y a énormément de hadiths comme ça, d'exemples comme ça, où les rapporteurs divergent. C'est-à-dire qu'il y a un des deux camps qui s'est trompé. C'est soit le prophète qui l'a dit, soit c'est Abu Huraira, radiallahu anhu. Il y a même des cas où ce qui arrive, c'est que Abu Huraira, il le rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans d'autres réunions, il le dit comme ça, sans dire le prophète a dit. Parce que, soit parce qu'ils ont l'habitude, etc. Comme nous, par exemple, quand on parle, puis je te dis, la yatrulul jannata qatir, sans dire le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux, ils sont vrais. Tout ça, les savants du hadith, ils l'ont passé au crible, au filtre, à tout ce que tu veux. Et dans ce hadith-là, ils ont dit que la vérité, c'est qu'il est mawquf. C'est Abdullah ibn Amr qui a dit cette parole et pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wallahu a'lam. Notamment At-Tirmidhi, l'imam At-Tirmidhi a dit ceci. Donc que dit ce hadith? La satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah est dans la colère des parents. C'est-à-dire que si les parents sont satisfaits de toi, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'à côté de ça, tu as accompli tes devoirs religieux, eh bien, ça te vaut la satisfaction d'Allah. Si les parents sont en colère contre toi, c'est l'inverse. Ça peut te valoir la colère d'Allah. Donc, chacun doit tout faire pour rendre ses parents satisfaits de lui. Par l'obéissance, par le comportement, par la politesse qu'il a quand il est devant eux. Ne pas être arrogant, ne pas être... par exemple, il ne les écoute pas, etc. Par l'ihsan, le fait de leur faire des cadeaux, le fait de les visiter, toutes ces choses-là qui peuvent les rendre satisfaits, il faut les faire. Et tout ce qui peut les mettre en colère, il faut l'éviter au maximum. Bien sûr, les savants ont précisé, comme d'habitude, parce qu'ils ont tout précisé, que ce n'est pas le cas des choses où les parents font on appelle ça en arabe, tanattu, ou ta'annut, entre guillemets, des manières, sur des choses sur lesquelles il n'y a pas lieu de faire des manières. Où là, c'est eux qui sont dans l'erreur. Donc souvent, l'exemple qui revient dans les paroles des fuqaha, c'est la mère ou le père qui dit à son enfant de divorcer sa femme. De répudier sa femme ou de divorcer de sa femme. Dans ce cas-là, quand bien même le père ou la mère se mettra en colère, il n'a pas à les écouter. Si c'est une femme qui est bien. D'ailleurs, si sa femme, elle est bien, mais en fait, sa mère, elle ne peut pas l'avoir pour une question ou pour une autre. Ça arrive. Ou le père il peut pas l'encadrer pour une question ou pour une autre, ça peut arriver aussi. Sachant que elle accomplit ses devoirs envers son mari, elle n'insulte pas les parents de son mari, elle se comporte bien. Mais pour une autre raison, une raison qui n'est pas valable, il lui demande ça. Quand bien même il se mettra en colère, là il n'est pas compris dans ce hadith. Parce que là on sort de ce qui est normal, on sort de ce qui est bon, de ce qui est dicté par la religion, etc. Il y en a par exemple, juste là, par exemple il y a des parents. Pour la belle-fille ou beau-fils, ils vont menacer de couper les liens s'ils ne divorcent pas. Dans ce cas-là, dans le cas où tout se passe bien, etc., eh bien, c'est eux qui ont coupé, comme on disait tout à l'heure. C'est eux qui ont coupé, c'est pas l'individu. Lui, il a rien à se reprocher. Ça, c'est des choses où parfois il faut être fort, parce qu'il faut pas trop. Faut savoir rester dans le juste milieu. Parce que si une personne, parfois, elle se fait trop. Influencé par une mère qui est ou un père qui se base pas sur des bons critères, bah il peut mettre sa vie en péril. Imaginez-vous qu'il se sépare de sa femme et les enfants ils vivent avec des parents séparés pour les chichis d'un père ou d'une mère qui n'étaient pas fondés. On dit bien qu'ils n'étaient pas fondés. S'ils sont fondés, il faut qu'ils écoutent ses parents. Si la femme elle est mauvaise, elle ne le respecte pas, elle ne lui obéit pas au niveau de la religion, etc. Et que ses parents lui disent, là oui, d'accord. C'est un peu comme l'imam Ahmed, rahimahullah, quand quelqu'un lui a dit, mon père, il m'a demandé de répudier ma femme. Et il lui a dit, garde ta femme. Il lui a dit, ouais, mais Omar ibn al-Khattab, il avait bien dit à son fils de répudier sa femme. Il lui a dit, ben, hatta yakuna abu kaka Omar. Il lui a dit, quand ton père, il sera comme Omar, tu répudieras ta femme. Omar, on sait qu'il ne va pas dire à son fils de répudier sa femme pour rien. Alors qu'un homme quelconque, oui. Donc bien sûr, tout ça, c'est... Il faut toujours penser, bil ma'ruf, il faut toujours penser au hadith, dont les savants ont fait une grande règle. la darara ou la dira, il n'y a pas de nuisance qui soit tolérée dans l'islam, etc. Nous, ce qu'on retient surtout dans la vie de tous les jours, c'est de tout faire pour œuvrer, faire tout ce qui est bon, tout ce que la religion accepte, pour rendre ses parents satisfaits et que ça vaut la satisfaction d'Allah. Et si les parents s'opposent à un mariage, ils ont aucune raison. Bah, sans aucune raison, ça va être rare. Sans aucune raison, généralement il y a une raison. Après, il faut regarder la raison, la fameuse raison. Il faut regarder la fameuse raison. Après, moi ce que je dis perso, avec l'expérience. Parce qu'en vrai, la question c'est quoi? C'est la question des origines. Différence de contrée. Souvent. Moi ce que je dis aux gens, c'est que s'il y a Algérien. Il n'y a pas assez d'Algériens sur Terre pour qu'il en trouve une dont sa mère elle est contente. Quand même. Même si les parents ils sont un peu lourds et tout, bah alhamdoulilah, tu sais que tes parents ils sont lourds. Va pas faire exprès de ramener ce qui va les embêter. Bah ouais, franchement. Sachant que nous, on se marie pas parce qu'on rencontre des filles dehors. Donc, bah choisis. Voilà, t'es marocain. Tu sais que tes parents ils sont allergiques, etc. Ils ont tort. Mais va pas faire exprès de te rentrer dans le mur, c'est tout. Pourquoi faire des problèmes? Les Marocains, il y en a plein. Des Algériens, il y en a plein. Des Tunisiens, il y en a plein. Etc, etc. Donc, pourquoi... Après, parfois aussi, ça peut être... Il ne faut pas être trop bête non plus, quoi. Parfois, les questions des origines chez les parents, elles peuvent être justifiées. Ça peut être pas justifié, pas dans le sens où il dit, ouais, eux, par exemple, cette race-là, j'en veux pas, eux, non, c'est nos ennemis. Ça, non. Mais dans le sens où, voilà, toute la famille, ils sont d'eux, ils ont ces habitudes-là, ils ont tel langage. Je vais dire, bah, ramène une comme nous. Pourquoi tu ramènes... Moi, franchement, je trouve que c'est logique, ça. Et ça, nous, on va le comprendre quand on aura 50 ans. Quand on aura 50 ans, ah ouais, en fait, c'était ça, c'est vrai. C'est quand on est 20-25 ans, on fait des malins, mais après, on va comprendre. Le père, il veut pour sa fille ou il veut pour son fils. Alors, ils ont des habitudes comme ça. Après, je sais que t'aimes pas ça. Non, je comprends le truc de... Non, je comprends le truc de culture et tout. Mais en vrai, si on regarde la chose, les Marocains, les Algériens, en vrai, ils ont la même culture. Bah, il y a quand même des différences, quoi, dans pas mal de ouais, choses. Ouais, mais c'est des différences qui sont pas majeures au point de... Sans parler de culture. Comme les peuples, comme les Européens ou les saucisses ouais. Ou cela. Non, je suis d'accord avec toi. Donc en vrai, c'est du pur racisme, rien de plus. Souvent, c'est du pur racisme, oui. On le sait. Et eux, ils rendent obligatoire ce qu'Allah, il n'a pas rendu obligatoire. Ouais, mais regarde, moi, je vais te donner un exemple où on va partir de la base, du principe que Algérien, Marocain, Tunisien, c'est la même chose. Ouais. Bon, déjà, ça se discute. Il y a des différences, tu vois. Mais admettons que c'est la même chose. Mais quand ils vont partir au bled, c'est pas la même chose. Ouais, ça c'est important. Quand le mari va dire, allez, on repart habiter au bled, ça va plus être la même chose du tout. Ne serait-ce le fait. Parce que les parents, ils veulent pouvoir, par exemple, eux, ils ont leur retraite dans un des deux pays, et la fille, elle va habiter dans l'autre. Ils vont plus la voir, ou ils vont la voir tout. Alors qu'ils se disent, t'en prends un d'à côté, on va se voir souvent, tu pourras nous visiter. Mm. Et tout le monde est content. C'est-à-dire, lui, il peut visiter ses parents, toi, tu peux nous visiter. Bah, c'est bien, quand même. Comme quoi, des fois, c'est pas des questions de racisme. Des fois, c'est des questions de pratique. Comme quoi, en fait, c'est plus pratique. Pour communiquer aussi. Pour communiquer, tout ça. C'est ça. Moi, personnellement, je sais que demain, un gars, il va prendre ma fille je sais pas où. Bah non. Je préfère un gars qui va rester pas loin. Comme ça, ma fille, elle veut me visiter, elle me visite. C'est assez logique en fait. Voilà. C'est du racisme, il n'y a rien du tout. Voilà, voilà. Bon. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في الدين ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. C'est utilisé dans la salle. Ouais, non, mais.